Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore réalisé. Mais oui, c'est la fin. Frost et Patrick sont morts, et avec eux, l'espoir de monter dans les hautes sphères du crime. En ville, c'est la panique. La mafia grise s'écroule sur elle-même. La triade est déjà repartie faire bande à part. Et les familles qui constituaient le noyau de l'organisation s'entretuent à la moindre rumeur. Qui a participé au complot de Johnny Frost ? Qui a fait foirer le plan ? Dans un camp comme dans l'autre, il y a des traîtres, et tous tentent de sortir leur épingle du jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, l'explosion de l'entrepôt de drogue de Frost et ses retombées rosâtres qui se mélangent à la neige ont lancé une véritable panique chez les autorités et une paranoïa croissante chez les civils. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un cinglé décide d'empoisonner la ville de manière aussi théâtrale que cette poudreuse rose. Vous avez peut-être tenté de quitter la ville ce soir même, où vous avez découvert les corps de vos anciens patrons. Mais la police était en alerte, et il aurait été impossible de ne pas se faire avoir. Conscient de la nécessité de rester caché, et uni en attendant une possible accalmie, vous avez passé la nuit dans le sinistre repère de 22. C'est le matin. Certains d'entre vous n'ont pas dormi, peut-être que d'autres ont réussi. Mais il est temps de décider quel sera l'avenir. Que faire ? Vous voyez, c'est pas si mal chez moi. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'être un peu en lendemain de gueule de bois, là ? Un peu, enfin, ça fait bizarre, surtout. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas littéralement que t'es bourré, mais tu vois, t'as cette sensation. Ouais, ça, c'est bizarre. Ouais. Ça allait tellement vite. Je pense qu'on s'est même pas encore rendu compte vraiment de ce qui s'est passé. Comment ? Je sais pas. Vous allez bien sinon ? Je suis en train de boire du café. Ok. Est-ce que t'as du whisky pour mettre dans le café ? J'en ai déjà. Ah bah vas-y, partage un Irish Coffee, s'il te plaît. Vas-y. C'est pas bon, mais ça arrive. On refait le bandit dépressif. La dernière fois, il y avait moi et William. Quand on s'était fait tirer dessus, est-ce qu'on rajoute des gens cette fois? Oh putain. Ah. Maintenant, vous savez ce que ça fait que quand je suis complètement paumé à peu près tout le temps. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se barre ? Il n'y a pas Gotham dans la ville. Dans la vie. Ouais. Tu me diras ? Je sais pas. À ces paroles, justement, vous entendez une sirène de police. Un véhicule qui passe pas loin dans la rue. Qui semble s'éloigner. Je rentre un peu la tête dans les épaules, c'est comme si je voulais un peu m'enfoncer dans. C'est genre, il se cache. Hop. Non, mais. sais pas. Moi, j'ai tout quitté pour devenir criminel et aujourd'hui, bah, je suis nouveau à la rue, quoi. Enfin, est-ce qu'on abandonne tout et on essaye autre chose? Parce que je me dis, il y a quand même genre une place à se faire. Maintenant que tout le monde est éliminé, on pourrait essayer de fonder quelque chose de nouveau, quoi. Il y a peut-être une carte à jouer, ouais. Sinon, il reste toujours un dont on n'est pas sûr qu'il soit mort. Qui ça? Chipolatas. Chipolatas. Ouais, mais ça semble être un traître qui a fui. Enfin, on va pas le réaccepter dans nos rangs. Je veux dire, si demain il non, retrouve. Non, c'est clairement, je pense clairement. Non, mais bon, peut-être on aurait plus un. En le chopant, on pourrait peut-être avoir plus de. Faire les lumières là-dessus, quoi. Parce que clairement, Chipolatas, il nous connaît. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait où on va? Moi, c'est, je pense que ça peut être intéressant de peut-être essayer de profiter de la situation, mais je sais pas si ça peut être. Moi, ouais, il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comment des mecs comme Frost et Patrick, qui avaient, il faut le dire, absolument tout prévu, ont réussi à se faire avoir aussi facilement. Je sais pas. Genre, ils ont laissé quelqu'un rentrer chez eux. Qui les a complètement. Enfin, qui a tout fait sauter. C'est peut-être une attaque surprise. Je veux dire, si Chipolatas les a trahis, que. Je sais pas, genre. Ouais. Il y a plein de possibilités, je pense, à comment ça va pu arriver. Mais imagine, tout simplement, c'était une attaque prévue déjà de base. Ouais. T'imagines enfin... vraiment Chipolatas capable de monter un plan aussi. Bah, il y a juste une bombe posée. Imagine, il y a juste quelqu'un qui a dit. Rentrer là-dedans, foutez des bombes et faites péter, ils ont pas eu le temps de réagir. Genre, il y a tellement de façons de... Oui, mais ce que je veux dire, mais est-ce que Chipolatas a pour toi l'allure d'un criminel ambitieux et fourbe? Bah justement. Bah justement. Il le cache. C'est un génie du crime, en fait. Celui qui est le plus discret est souvent celui qui est le plus malin. De souvenir, c'est pas un mec qui rigolait, c'est un genre... Non, c'est pas un mec... Il était très discret, il était à part, je veux dire... J'ai une photo de lui qui sourit. Peut-être que son plan est prévu depuis très longtemps et du coup il essayait de se mettre à part pour pas trop avoir de remords. Clairement, imagine c'est un indique depuis le début ou qu'il travaille pour un gang. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a tellement de possibilités. Plutôt pour qu'on le retrouve du coup. Ouais. Moi j'avoue que c'est le seul qui peut nous identifier. Ici, il n'y a plus de Chipo, on est tranquille. Ouais, au moins ça nous deviendrait quoi après? Après, ça, moi, on peut plaider notre cause envers les grands chefs. Vu que personne n'est capable de dire qu'on a été part intégrante de tout ça, on pourrait très bien proposer nos services si besoin. Ouais. Moi, je dois t'avouer, le seul. J'en ai un peu marre. Le seul peut-être trait que je pourrais voir de positif dans ce qui vient de se passer, c'est que du coup, on est. Au service de personne et que genre si aujourd'hui on veut créer un truc nouveau et qu'on soit à la tête, c'est le moment où on pourra, quoi. Parce que c'est le moment où la ville est blessée, parce que c'est le moment où il y a une brèche, c'est soit on l'utilise pour fonder quelque chose, brèche, soit... dedans. Après on pourrait peut-être former une sorte de Redwood. Ouais, clairement, ouais. Je t'avoue que bosser pour les patrons c'est sympa, mais autant bosser pour soi et faire bosser les gens pour nous. Bah, ouais, mais parmi les gens qu'on a rencontrés, bizarrement, les personnes avec qui j'avais le plus envie de bosser sont morts. Donc, de même. Oui, mais bon, si demain on revient sur le devant de la scène et que pour X raison, le Chipolatas qui a trahi. Là, on est plus à la. Enfin, non, mais là, c'est pas par rapport à la question de Chipolatas, c'était par rapport à l'après. Oui, mais l'après, les chefs ils sont toujours là. Oui, mais il y a une brèche, je veux dire, c'est dans ce genre de moment qu'on peut fonder quelque chose de nouveau. Quand ils sont dans un moment calme et ils contrôlent tout, on se fait défoncer en 10 secondes en essayant de créer quelque chose. Mais là, il y a eu un gros événement, il y a un trou dans la ville. Enfin, mais du coup, il faut qu'on ait le mini Chipolatas et on sait pas où il est et on sait pas s'il a déjà fui la ville. Il est probable qu'il l'ait totalement quitté. Hein. Sans doute. Après, il me semble qu'on avait une adresse dans le sud, si je me souviens bien, de la ville. Ouais, c'est là où il était censé se rendre, je crois. C'est là où il était censé se rendre. Ah oui, ouais. Attends, je sors mon téléphone, de toute façon c'était moi qui avais eu l'information. C'est sur l'île... Ouais, c'est en dessous de Fonderasland. Oui, vous aviez une adresse, c'était le dernier lieu connu où son téléphone était actif. C'est pour peut-être voir qu'il est mort en fait. C'est une île et je pense qu'il est probable qu'il ait... qu'il ait totalement genre juste pris un bateau et qu'il se soit barré. Ou tout simplement il a essayé de revenir parce qu'il n'y a pas forcément de bateau et donc peut-être qu'il n'a pas réussi à choper un bateau. Même après, si il est pas loin de Shinatan et si je ne me trompe pas, c'est là où il y a aussi les Falcons. Et par contre, la police elle doit être blindée là. Clairement, non, mais de toute façon, c'est pour ça qu'il va falloir faire profit bas de nous de notre. Enfin, si on chope Chipolatas, il faut qu'on fasse ça de manière super clean. Là, on peut se permettre aucun dégât parce que là, la police est à cran dans la ville. Donc, c'est pour moindre fait, on va être pris pour des terroristes, ils vont nous descendre sur place. Hein. Mais est-ce que vous voudriez pas, ne serait-ce que juste passer, faire un tour en bagnole, sans pour autant descendre, ouais, quoi, non, juste mais... rouler non, par contre, allons-y, faisons du repérage, au moins ça sera de prix. Ça... Ouais, c'est ouais. Ça qu'on fait les gens classiques. On sortira de cet endroit un peu pourri sans vouloir t'offenser 22 ans. Ouais, t'inquiète, je comprends. On n'a pas tous le même niveau de vie. Du coup, c'est parti. Comment ça, un garage, c'est pas bien. Jess, je pense que... Pas de soucis, les gars. C'est clairement ça, c'est un hangar avec trois plaques en métal et... Bah écoute, moi je me mets à l'arrière du véhicule de Jess. Moi je vais côté passager, genre devant si ça dérange pas personne. Non, non, Y a combien de places dans le truc d'ailleurs? Je vais à côté de Jess. 3 places arrière, une place à l'avant. Oui, c'est ce qu'on appelle une voiture 5 places. Une dans le coffre si besoin. Oui, c'est vrai. Mais ça tombe bien parce que je crois qu'on est 5 donc. Non, mais c'est pour le coffre, c'est pour Chipolatas dans le coffre. Yep. Ah, c'est sa place si on le trouve. Là, il y a la place de Chipo dans le coffre, il n'y a pas de problème. Hein. C'est... On se refait la scène de l'allée noire, pas de l'allée noire, de Mafia 2. Où genre, il y a des dans le coffre et nous, on va boire des coups au bas. Et on oublie le cadavre aussi. Exactement. Voilà. Poum, je ferme la porte. Très bien. Donc, vous partez de ce quartier pourri de Gotham dans lequel vit 22. En direction donc de cette petite île qui est au sud, tout au sud de Gotham. Et vous y arrivez plutôt rapidement, après tout c'est à peine une île en dessous. Hein. Et les lieux, comme vous le savez, pour ceux qui habitent à Gotham depuis un petit moment, cette île dans la partie nord est encore plus ou moins civilisé, même si c'est civilisé façon Founders Island, donc civilisé dans le crime. Mais plus on va au sud de cette île, plus on se retrouve dans une espèce de quartier industriel qui a été désaffecté. Et vous allez en direction de cette adresse. Vous vous enfoncez entre ces différentes usines et ces différents entrepôts. Avec pas un chat dans la rue. Mis à part à quelques mois. Niveau police, vous en avez croisé quand même pas mal quand vous étiez en train de quitter Founders Island. Ouais, plus que d'habitude. Ouais, plus que d'habitude. Et il y avait quand même un certain contrôle au niveau des ponts. Une fois arrivé sur cette île-là, il y en avait toujours quelques-uns, mais de toute évidence, ils négligent un peu ce quartier-là. Si on peut appeler ça un quartier. Ouais. Et vous arrivez à l'adresse, devant ce qui semble être un entrepôt, à peine plus grand que celui dans lequel vous avez passé la nuit. Enfin, c'est un hangar plutôt, à peine plus grand que celui dans lequel vous avez passé la nuit. Un hangar volé. Oui, voilà. Mais ça, c'est pas la taille, ça, de folie. Et qui a l'air plutôt bon état. Bon, il y a sûrement un petit impact de balle quelque part, mais il y en a sur tous les bâtiments du quartier. et rien d'autre à signaler. On fait quoi? On se pose, on écoute, on... Donc là, on fait le tour de... Enfin, le... Ouais. Ce qu'on on avait pourrait, eu enfin... comme zone, c'était une zone large ou c'était très précis dans le ping? C'est la zone de manière large, je me souviens. Parce qu'ils ne pouvaient pas genre préciser le point, donner les cartes. Moi, ce que je propose, limite, vous n'avez pas été dans les détails parce que William voulait faire vite. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'à côté, on avait encore cette info de... On a été paniqué de Frost et tout ça. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ça peut prendre le temps, vu que c'était trop tard. Non, mais a priori, c'est le genre de hangar qu'il y a dans toute la zone. Moi, au pire, ce que je propose, c'est genre on se divise en trois groupes de deux et on ratisse la zone tranquillement, genre en mode juste des potes qui traversent le quartier, quoi. Donc tu veux faire trois groupes de deux à cinq, c'est ça? C'est ça. Putain, c'est vrai qu'on est 5 et pas 6. À ce moment-là, il y a mes chiens, cette zone. Et là, et c'est les comptables l'ancien comptable qui nous dit ça, quoi. Je pense réellement qu'un mec tout seul avec tes chiens, ça vaut un groupe de deux. Hein, parce que... très clairement, t'inquiète pas. Pas pour la surveillance, mais je pense que pour bouffer le mec, il t'agresse. Le problème, c'est qu'on est parti sans les chiens. Donc, et tu les aurais mis où, les chiens? À la limite, s'il y en a deux qui partent commencer à faire le... Enfin, attends, du coup... Oui, Je pense que le mieux, ce serait quand même que quelqu'un reste dans la bagnole si au cas où on devait partir en speed. Bah, le problème, c'est que genre, si on se dévise... Enfin, oui, en vrai, je suis d'accord, mais si on se dévise, on va sûrement bien se séparer. Ça risque d'être... Non mais si on dit exactement les endroits qu'on va faire, la voiture peut très bien en un coup de téléphone savoir où on est. Et venir nous chercher en 2-2 quoi. Oui, à la limite, on peut faire ça, oui, c'est pas bête. Le Jess maîtrise le volant à la perfection, donc. Ouais, surtout après, avec... peut-être, du coup, si on fait le groupe, faut peut-être faire un niveau de crédibilité du groupe. Par exemple, si on me fout moi avec quelqu'un déjà plutôt criminel, faut éviter, faut plutôt mettre quelqu'un qui passe. Ah, bah moi je te verrais bien avec Pat. Ouais, la douceur de Pat. La douceur de Pat. Avec le côté vrai, sucré. Tu sais, 22, il y a quasiment que toi qui fais gros psychopathe en puissance. c'est pas faux. Le reste du groupe, on est plutôt clean, hein, visuellement parlant. Après, j'ai pas de sens sur moi logiquement là. Hein, donc, mais ouais, non, moi je te verrais bien avec Pat. Après, moi, je vais faire un tour avec William. La personne la plus joviale. Voilà, j'irai avec William et on va faire un tour et... J'aurais vraiment dû prendre mes chiens, en fait. Ouais, clairement, ça aurait pu être... MJ, j'aurais une question. Oui. Est-ce que je possède un double des clés de ma voiture? Oh. C'est moi, j'ai une chance. C'est un D20, ça. Ouais, c'est ouais. Sur... Allez, vas-y, Charles. C'est rare d'emmener les deux clés. Non mais en vrai il a ça dans sa boîte à gants. Ouais, ça doit être un peu important. Puis c'est un criminel, donc il sait qu'il peut avoir des situations. Une. Une criminelle, c'est vrai, pardon, pas pour moi. Tu m'as mis genre. Oui c'est vrai. Mais en même temps d'un côté t'es une flamme, c'est pas possible. Allez, chance, j'ai une chance d'y arriver. Allez. Eh bien, ça ne passe pas, j'avais 10 et j'ai fait 11. Oh! Je les avais jusqu'à hier soir. Du coup, ça veut dire que tu les as, mais elles sont pas là. Je les ai, mais je les ai perdues dans la boîte à gants. Pas de chance! Mais ce qui se passe, Jess, c'est que tu penses à ton double des clés que t'avais fait en revenant à Gotham. T'ouvres ta boîte à gants et. Bah merde, t'étais sûr de les avoir mis là. Putain, je vais faire piquer ma bagnole. Pourquoi tu veux faire piquer ta bagnole? On est poursuivi, on fait vite, Jess! Et tu sais, elle était partie genre 2 secondes, elle fait mais ma voiture! Pourquoi tu veux te faire piquer ta caisse? Si t'es dedans, t'en risques pas de perdre, personne va t'appliquer? Non, c'est-à-dire que quelqu'un a piqué mes clés. Il y a une personne à Gotham qui possède le double des clés de ma voiture. Ah! Va falloir qu'elle la trouve, hein, par contre. Hein. Gotham, c'est grand. J'ai beaucoup de temps. On va ratisser la zone. ça. On... Bon, allez, on y va. Ouais. Et essayez de trouver, si ce n'est pas Chipolata, faites gaffe à tout téléphone et tout qui peut traîner. Ça pourrait déjà être une indication sur son état, etc. Donc faites gaffe au sol et au détritus. Je vous demande pas non plus de fouiller toutes les poubelles. Mais ouais, regardez ce genre de choses. Très bien. On va go faire ça. C'est parti. Donc qui va avec qui et qui reste dans la voiture, ou s'il y en a qui reste dans la voiture? Alors, moi, je parlais que les plans, William... c'était 22 et Pat, ils sont ensemble. Thompson et moi, on est ensemble. Et Jess est prête à démarrer et écraser des cyclistes sans quatre problèmes. Jess, c'est tout le temps jeté dans la voiture. Enfin, ouais, mais c'est... Enfin, en vrai, ça me rend triste. C'est cool, c'est la conductrice, mais c'est... j'ai l'impression que le joueur, il passe ses sessions à nous attendre, tu sais. C'est ça. Non, mais y a pas de soucis. Parce que c'est une faible femme, on veut pas la mettre en première ligne, tu vois. Non, le pire, c'est que Charlie, en vrai, il a souvent ce poste-là. Genre dans Night Black and John, c'était aussi le conducteur. Ce qui fait que. C'est une session. J'aime beaucoup les voitures. C'est en fait, je suis un fan de tuning. J'ai même pas bon. Les groupes. Vont tous me faire un jet d'observation, enfin chaque joueur va me faire un jet d'observation, et donc votre jet est en coopération avec celui de votre partenaire. Okay. Même moi Toi, non. D'accord. Alors, observation. Oh merde. 51 sur 50. C'est 50. C'est dans physique observé. C'est dans physique. C'est dans la colonne physique. Oui, je l'ai. 50. Et... Okay. Une chance sur deux. Oh, ça commence bien. Les déchilles qui continuent à faire leur miracle. Un jour, ils vont m'enchaîner 5 100 d'affilée, je vais rien comprendre. Parce que le karma avec cette vie. C'est... Non, ça va faire 95, 97, 94, 98, 99, 100. Très bien. Donc en gros, il y a. Non, ça va, il y en a qu'un qui est un peu distrait, mais. Après, logiquement, en groupe, ça passe, d'accord, ça s'est joué de 1. Non, c'est vrai. Donc, bah, vous commencez à vous séparer. Enfin, en groupe de 2. Et vous visitez un peu le quartier, vous prenez l'air de gens qui marchent juste comme ça, des civils normaux, dans un quartier complètement désert, dans lequel il y a que des criminels. mais vous êtes certain que ça passe. Non mais attends, en vrai, on discute et tout, enfin genre, en vrai, y a des criminels aussi qui peuvent marcher dans la rue pour aller à un endroit, tu vois. Ouais. On n'est pas non plus en mode la innocence. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que vos recherches n'ont pas l'air de mener à grand chose pour l'instant. Vous, faut dire aussi que trouver un téléphone, s'il y en a, dans la rue ou dans une ruelle, c'est assez difficile. Surtout que dans la nuit, il a commencé à neiger. Oh. C'est une bonne neige, une bonne poudreuse, à laquelle s'est mélangée une petite couleur rosâtre qui vient de la drogue de Frost qui s'est un peu éparpillée dans l'atmosphère, on va dire, depuis les explosions. Et vous avancez dans ce décor mi-blanc, mi-rose. Et 22 et Pat. Vous arrivez rapidement à observer dans une ruelle ce qui semble être un type qui fouille dans les poubelles. Il est de dos. Il est avec un espèce de gros manteau bien rembourré. Si vous souhaitez l'interpeller. Bah, je m'en fous. Attends, est-ce qu'il il ressemble à quoi, Chipolatas? Chipolatas ressemble à un Mexicain en léger surpoids, plutôt patibulaire. Et ce type-là a l'air... Bah, il est de dos, donc c'est difficile à savoir, mais il n'a pas l'air spécialement en surpoids. Ok. Bah, au pire, on peut peut-être lui demander s'il y a eu quelque chose, non, je sais pas. Bah, vas-y. Je l'interpelle avec un « et toi ». D'accord. Là, tu dis « et toi ». En disant « et toi », tu vois qu'il se... Il se... Oui, voilà, on va dire ça. Il se gèle sur place. Et tu vois que ça a l'air d'être le genre de type qui a l'habitude d'être maltraité parce que du coup, ça donne vraiment l'impression qu'il essaye de faire le mort. Mais genre debout. Ouais, il fait le mort debout, immobile. Ah merde. Si je ne bouge pas, il me voit pas. Est-ce que t'as vu... C'était hier soir du coup normalement. Est-ce que t'as vu quelque chose hier soir? Tu vois que il se retourne lentement. Et tu te retrouves face à un type un peu dégarni, sans aucun aucune vitalité faciale. Non, il est parfaitement blanc. D'accord. Il a l'air d'être bien défoncé aussi. Ouais. Et il te regarde un peu avec un œil qui part un peu trop sur la droite. Et vous dites quoi? Vous avez vu quelque chose hier soir ou pas ici, dans les environs? Un peu pas classique, on va dire. On voit beaucoup de choses pas classiques ici, vous savez. Un Mexicain. Mexicain. C'est pas si pas classique que ça quand même. Mais un Mexicain, je sais pas. Y a Rodrigo, mais il est souvent dans le coin. Donc c'est pas si c'est classique. Rodrigo, je demande est-ce qu'il peut me le décrire. C'est un espèce de type peut-être. C'est un type vachement grand. Il a les cheveux longs. Genre, je sais pas s'il fait exprès ou si c'est juste qu'il va jamais au coiffeur. Mais il a des bons trucs. Il peut vous trouver de l'héroïne en moins de deux. Ok. Est-ce que par rapport à la description, les brefs trucs qu'il m'a fait, est-ce que ça ressemble à... Non, Chipolata, ce n'est pas si grand que ça. Ok, pas grand. Ok, je dis merci. Ce sera rien plus pour moi. Je sais pas. D'accord. Très bien, donc vous vous éloignez. Je vais pas le faire chier plus que ça non plus. Vous vous éloignez, vous repartez à vos recherches. Du côté de William et Thompson, a priori, rien à signaler pour l'instant. Dis-moi, William, ça m'a l'air un peu mort par ici quand même. Hein. On sait jamais. Hein. De toute façon, faut aller jusqu'où. On est loin du stadium. Quoi stadium? Bah, on est sur l'île, non? T'as le stade. On pourrait peut-être aller faire un tour. C'est vrai qu'on est parti du sud et qu'on remonte au nord, c'est ça? Je suppose. Si je. Du coup, oui. Bah, je sais pas. Faut demander au MJ si on est loin du stadium. Le stadium est tout au nord et a priori, votre zone de recherche est plus dans le sud. Mais rien ne vous empêche d'aller vérifier par là-bas. Parce que nous, on est parti genre au sud et là, on remonte le truc, mais on peut très bien essayer de voir un peu. Après, on va parce que là, en termes de distance à pied, là, on est du sud au nord. Il y a combien là? C'est du combien, ça risque d'être quand même un peu beaucoup à pied. À pied, c'est beaucoup, ouais. Donc, de toute façon, je pense pas aller jusqu'à là-bas, mais on avance un peu, on continue de fouiller un peu le quartier, et après, de toute façon, on appelle Jess en disant voilà, viens nous chercher, et on vient à rien. Ouais. Bah après, sinon, t'as toujours les docks, mais bon. Mais les docks, c'est... Attends. Oui, bah oui, mais je suis... Oui, bah oui, bah aller chercher sur les docks, c'est pas con du tout, en fait, puisque je pense que c'est peut-être sa principale raison, parce qu'après, il y a un tour de bateau, ce genre de choses. Bah ouais, après, moi, j'aurais plus vu, si on trouve rien par ici, d'aller faire un tour sur les docks. Ouais, bah, au pire, si on suit les tours de bateau inscrits sur cette map Google Maps, il peut directement partir au nord de la ville par les plumes. Alors, les bateaux passent pas au sud, mais ils partent au nord par River Liberty, donc ils pourraient bien quitter la ville comme ça, en fait. Donc, je pense que c'est pas con d'aller chercher sur les docks. Allons sur les docks, mon ami. Allez, c'est parti. On prévient quand même. On prévient quand même Jess qu'on part sur les docks. Petit SMS à Jess et à 22, nous on est sur les docks, voilà. C'est ça. Et donc, du côté de Jess, et pendant que du côté de Jess, les autres, vous allez me refaire des jets en coopération. Oui, monsieur. Et pendant ce temps, du côté de Jess, donc, toi, est-ce que tu restes sur place avec ta voiture ou est-ce que tu fais des tours un peu dans le quartier? Moi, pourquoi pas bouger un petit peu, mais je reste quand même vraiment à proximité de la voiture. Enfin, là où on était, je veux dire. Parce que si jamais elles viennent au dernier moment, il faut que je sois à proximité. Limite, tu vois, je les laisse plus au même endroit et je sors éventuellement quelques instants pour aller fumer un coup, voir ce qui se passe dehors, s'il y a des gens. Ok. Donc, tu fais quelques tours dans le coin. A priori, l'endroit a l'air vachement désert. Il y a des moments où tu entends les sirènes de police un peu au loin. Mais rien à signaler. Puis à un moment, tu sors pour fumer un peu. Mm. Et quand tu remontes dans ton véhicule, quelqu'un vient toquer à ta fenêtre. Il ressemble à quoi? Un espèce de sans-abri avec une énorme barbe. Un sans-abri, il me dit quelque chose ou pas? Non, a priori non. Ok, je prends mon flingue. Et je commence à descendre la fenêtre. D'accord. Mais je cache le flingue. Tu prends ça avec ton flingue. Donne-moi ton fric, SDF. Donc tu descends et dis « Eh, je vous ai vu fumer, vous auriez pas quelque chose pour moi un peu ? On en voudrait bien une. » Je fume pas. Mais... si, tenez. merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir de voir des gens, et de voir des gens gentils en plus. Ouais, c'est pas comme ces Mexicains là. Ouais, c'est Mexicain. Mais vous. Oui, c'est Mexicain. Enfin, je vois pas trop. Oui, mais. Qu'est-ce que vous faites dans le coin d'ailleurs? Parce que c'est pas souvent qu'on voit des gens par ici. Hein. J'ai un ami qui a disparu. Ah bah, ça arrive souvent. Oui. Disparu ou disparu? Disparu en fait. Mais genre beaucoup. Non, genre on n'a pas de nouvelles de lui depuis hier et puis avec tout ce qui se passe. Ok. Et vous pensez qu'il serait dans le coin? Oui, à ce qui paraît, il traînait par ici de temps en temps, donc... Ah bon, c'est quoi son nom? Parce qu'on se connaît un peu tous, les gens, qu'on traîne par ici. Est-ce que je peux essayer de le jauger pour voir un petit peu s'il m'a l'air fiable ou pas, ce bonhomme? Est-ce qu'il est mexicain, on va voir. Oui, eh bien, tu vas... Est-ce qu'il est mexicain? Imagine ce Chipolata qui est en train de faire ah. Ah un ami, c'est pas fait pas Chipolata, c'est par hasard. Parce qu'il n'est jamais passé par ici. Si jamais vous cherchez. Tu vas me faire Jess un petit G en psychologie, tiens. Faudrait bien que ça soit utile un jour cette capacité. C'est fou. Psychologie, très bien. J'ai combien en psychologie? C'est dans la colonne du milieu. Ouais, je vois ça. 51. J'ai 1. J'ai 51, donc à peu près une chance sur 2. 48. Très bien. À voir. Il a l'air d'être. Il a l'air complètement détruit par la vie, hein, mais c'est un SDF qui a l'air d'être SDF de longue date. Mais il a rien de mauvais dans l'œil. Il a l'air parfaitement bienveillant, en tout cas dans la discussion que tu as pour l'instant avec lui. Ok. Soit il est très fort, soit il est... Okay. Il se fait appeler Chipolatas, mon ami. Chipolatas. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je sais pas si c'est son vrai nom. C'est quand même un nom... Oui, j'imagine que c'est un surnom, parce que sinon, ta mère l'aimait pas beaucoup. Mais... Et votre Chipolatas, c'est un Mexicain, j'imagine, pour avoir un prénom comme ça. Ouais, mais lui, c'est un bon Mexicain. Ah, il est pas comme les autres. Ça se voit, mais le bon Mexicain... Alors que le mauvais Mexicain... Vous voyez, les yeux, c'est... Ah, je vois pas trop ce que vous voulez dire, je suis pas très raciste. Oh, ah, dommage. attendez, vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression. Ouais, ouais. Que... Oui. Ah, bah, oui, mais... Je vous entends. Non. Putain, Charlie. Oh mon dieu. RP, RP. C'est le mec au plein milieu d'une discussion qui pourrait être sûr de demander si on l'entend. Mais attendez, votre... je suis pas mort. Votre ami Chipolatas, c'est pas que ça me dit quelque chose, mais c'est pas quelqu'un d'un peu important par hasard? Si, un peu, ouais. Ah, parce que vous auriez pas un peu d'argent par hasard? Je sors un billet de ma poche. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment de valeur maintenant. Enfin, je veux dire, c'est pas ma priorité, quoi. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très sympathique. Qu'est-ce que je disais déjà? vous me parliez de Chipolatas. Ah oui, oui, Chipolatas. Oui, oui, parce que moi, je suis pas vraiment au courant. Enfin, je suis pas lié à tout ça. Mais dernièrement, il y avait des histoires comme quoi il y avait des types qui essayaient de s'étendre un peu plus dans la ville. Et ouais. Il me semble qu'il y avait un Mexicain avec un nom de plat mexicain parmi eux. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Tacos quelque part, mais ça pourrait marcher avec Chipolatas. Ça pourrait marcher en effet. Et tu saurais pas où on pourrait le trouver, ce Mexicain? Avec un nom de plat. A priori... Ah, il fait froid quand même en ce moment. J'aimerais bien m'acheter un manteau. Toujours donner de l'argent, Charlie. Je lui ressors un petit billet. Ah, merci beaucoup. J'imagine que vous l'ignorez pas, hein, parce qu'il y a les flics partout en ce moment. Mais bon, au niveau des gangsters, tout ça... Il semble que ça parte un peu en couille, quoi. Il y a des gars qui se mitraillent entre eux. Et bon, la dernière fois que j'ai entendu parler de Stacos, là, c'est qu'il y avait des types cagoulés qui seraient venus le chercher en plein milieu de ce quartier, justement. Bon, je sais pas si c'était musclé ou pas comme situation, mais a priori, il est parti avec eux. Je saurais pas vers où. Je leur sors un petit billet. Enfin, je m'apprête à lui rendre un petit billet au cas où. Vous savez, j'ai un peu de mal. Je pense qu'il faudrait que je m'achète aussi quelques cachets pour mon mal de crâne. Ah, merci beaucoup. A priori, ils avaient l'air de partir vers les vers les pêcheries Falcon. Il me semble que c'est quand même un peu en ce moment. Il me semble qu'il y a. Enfin, vous savez, il me semble que ça appartient à ce type avec un nom d'oiseau. Le manchot ou un truc comme ça. Le pivert. Peut-être. Le pinson. Oui, enfin, je sais pas, mais. On va se faire tellement tuer par lui. Ah, mais c'est toi le pivert. Bon, bah. Et comment il s'appelle lui là, s'il a le nom d'un jus de fruits? Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, très bien. Je vous donne un petit billet sans deux. Oh bah, merci beaucoup. Ensuite, je lui pointe le flingue et je le braque. Quoi? Non, je sais que t'as de l'argent, connard. D'accord, bon, très bien. Bah, après avoir eu son argent, il s'éloigne de lui-même. Non. Et il te fait un petit coucou en s'éloignant. Je fais un petit coucou. Je referme la fenêtre. Ensuite, alors, je pense que je vais sortir, retirer de l'argent et me laver les mains. D'accord. Cette méchanceté. Alors, il faut que je regarde les nouveaux jets des gens. Ils sont nouveaux jets. 96. 96. Et ouais. Tu es avec qui déjà? T'es avec Pat. Pat qui a fait. Pat. Qui a réussi. Il a fait combien? Faut que je regarde ça. 14. 15. Non, j'ai fait 97, pardon. 97. Ok, d'accord. Et du même côté de Thompson et William, vous avez fait la même chose, le même chiffre. Ouais. Non, mais pas 97, hein, mais on a fait tous les 33. D'accord, ok. Bien, du côté de Thompson et William, tout ce que je peux vous dire, bah, c'est que vous, a priori, le quartier a l'air bien, bien désert. Bon, il y a bien un moment où vous avez croisé quelques SDF, mais bon, entre ceux qui s'échappaient en vous voyant arriver et ceux qui, une fois que vous leur parliez, ils avaient l'air de pas vraiment être de ce monde, bah, bon, pas grand chose de très avantageux sur la situation. Cependant, ouais, pour ce qui est de 22 et Pat, je vais passer un peu à 22 et Pat, désolé, mais voilà. Du côté de 22 et Pat, bah, vous avancez toujours en observant, en jetant des petits coups d'œil à ces petites ruelles, en essayant de regarder le sol pour voir si vous trouvez pas un téléphone ou un chipolatas. Chipolatas sauvage. Qui traîne par terre. Rapidement, vous commencerez à entendre un bruit qui vient de derrière vous. A priori, un bruit de moteur. Alors, c'est pas une bagnole qui vous fonce dessus à toute vitesse pour vous tuer. Mais il y a bel et bien un véhicule dans la même rue que vous qui avance, a priori, à vitesse plutôt lente derrière vous. Oh, c'est un... Quel type de voiture? En vous retournant, ou enfin en jetant un petit coup d'œil. Ouais, non, mais non, je veux pas dire bonjour. Ouais, non. En jetant un petit coup d'œil derrière, ça a l'air d'être une voiture de police. Oh merde. Ça ressemble à la Batmobile en plein milieu du pays. On continue de marcher totalement normalement. Y'a pas, avance tout droit, ne t'arrête pas, et puis ne cours pas, fais pas suspect. Enfin, ça rapidement en fait. Je parle de trucs à la con à 0,22 à... Ouais, on commence à rigoler ou quoi, genre... Tranquillement. C'est ça. Bon, vous continuez à avancer en ayant des discussions bien artificielles. Et au bout d'un moment, la voiture avance un peu plus vite pour arriver à votre hauteur. Et depuis la vitre, il y a une femme un peu rondelette qui vous adresse la parole en disant « Hey, bonjour !» Bonjour madame. Bonjour. Bonne journée, n'est-ce pas? Oui, formidable. C'est belle, en effet. La neige, c'est magnifique. C'est frisquet. Ah, hey. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Bon, on se balade. Tranquillement, entre amis. Ah oui, bah, je vois. C'est un lieu plutôt particulier pour se promener quand même. Ça a son charme. Ça a son charme, voilà. Il y a peu de monde, c'est beau pour la neige. Oui, voilà. Ouais, j'imagine. Vous seriez pas au courant de quelques histoires bizarres dans le quartier, par hasard? Non. Non plus. Pas trop du coin, moi. Non. Je vois. Je sors le plus puissant accent français possible. Pour avoir l'air d'une espèce de touriste en claquette. D'accord. Je vais juste demander à Zibio de faire un jet de crédit. Oh merde. La dernière fois, j'ai fait 100, je précise. Alors, attends, j'ai combien de points de crédit? Alors, est-ce que j'ai du crédit? C'est où le crédit? C'est dans la colonne du milieu. C'est le deuxième. Quoi, la compétence de base, du crédit? 30. Par défaut, c'est 15. C'est 15. Ah merde. J'ai fait 26. Je fais 89. Merci, au revoir. Loupé. Très bien. Ne me dis pas qu'il y a encore un filet de baffe, s'il te plaît. Tu me l'as déjà fait, tu changes. Voilà. Donc, simplement, vous voyez qu'elle vous lance un espèce de regard qui a l'air d'être plutôt suspicieux. Et elle s'adresse surtout à toi, 22. Comme de par hasard. En disant hey, vous, vous êtes sûr que vous n'êtes pas de Gotham? Ah si, je suis de Gotham. J'ai dit tout à l'heure que j'étais de Black Island, si vous ne souvenez pas. Ah, et vous vous promenez avec un Français comme ça? C'est un ami de longue date. Je vois. Et vous venez d'où, vous disiez? Black Island, pourquoi? Black Island. Je vois. Et vous êtes sûr, enfin, vous allez bien? Bah oui. Pourquoi ça irait mal? Non, rien, ça va aller. Enfin, vous devriez aller voir le médecin pour votre visage. Vous avez une mauvaise mine, a priori. Vous êtes sûr que vous allez bien? Moi, j'ai eu un peu mal dormir, peut-être, mais... Enfin, ça regarde, 22, avec une tête particulière, ou quoi? Bah, 22, disons... n'a pas vraiment la tête du civil modèle. Disons que... Ah, de base, il a sa tête comme ça. Ouais, il a une tête pas très attirante. Enfin, non, pas en termes de mocheté et tout ça, mais je veux dire... Il a pas oui, un air... Ouais, il donne pas confiance. Et il y a des jours comme ça où on peut se rendre compte très rapidement aussi qu'il est du genre à prendre quelques produits de temps en temps. De genre ecstasy, cocaïne. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc cette flic fait signe à son au conducteur du véhicule de s'arrêter et elle dit vous avez vos papiers? Est-ce que j'ai mes papiers? Moi j'en ai pas, ça c'est sûr. Je l'ai jamais fait. Allez, toi, t'en as jamais eu. Pat, bah, après, j'imagine que tu les as. Je vais avoir la chance de savoir si j'ai eu l'intelligence de me faire des faux papiers ou de voler des papiers. Alors, attends. Je jette un coup d'œil aux fiches. Standard. Je vais te demander un jet de contact, tiens. Parce qu'il te faut des contacts pour faire ça. Normalement, je vais. J'ai 36, putain. Allez. Pour ça, il faut des contacts, ça va. Oui, tu 29. Peux faire tes avec de l'aquarelle. Oui, 29 sur 36, ça passe, j'ai des faux papiers. Très bien, donc tu as des faux papiers. Qui doivent pas me ressembler, mais c'est pas grave. Tu dis que c'est la moustache. C'est la barbe, c'est la barbe. Je vais lui montrer vos papiers. Tu vois, 22, que ça tarde beaucoup sur le tien, puis elle regarde les papiers. Puis elle te regarde. Puis elle regarde les papiers. Puis elle te regarde. Elle te regarde longuement. Vous savez, la rhinoplastie, ça peut vraiment changer un homme. Et que je suis ouais, très bien. Mielleux. elle réagit pas vraiment, mais tu vois qu'elle a parfaitement entendu. Et elle dit tout simplement bon. Si vous voulez un conseil, quittez le quartier au plus vite. La ville est en état d'urgence et c'est le genre de quartier vers lequel toute la pire raclure va venir s'abriter. Ah bon? Non, ça, je savais pas. Mince, ah oui, clairement. Ah merde. T'as entendu? Il faudrait qu'on s'en aille vite fait. Je voudrais pas qu'on tombe sur des villes brigands. Ouais, vas-y. Alors, deux minutes. Oui, tu peux me faire un jet de chance. Alors, moi oui. dans le genre Pat, t'aurais dû fermer ta bouche. Alors, j'ai fait 11 sur 5, voilà. 11 sur 5, d'accord, ça fait. Et donc, il fait Francis. Sur votre carte d'identité, il y a écrit Francis. Oh, j'ai envie de vous dire. Alors. En vrai, j'y ai tellement pensé, je me suis dit non, le MJ va pas prendre ça en con. C'est un bon MJ. Ça. Bon. Français, alors, c'est-à-dire qu'il y a un truc. Bon voilà, j'ai fait 5, mais le problème, c'est qu'en chance, j'ai 3. Oh. Et c'était un jeu pour quoi ta chance? J'ai pas très bien entendu de ce dont tu parlais. J'ai fait 5. Hein. Mais t'as pas demandé de faire de la chance toi? Mais si, il m'a demandé. Mais non, il a demandé. Ça moi. Ah bon? Ah bon? Est-ce que par hasard j'ai un frère jumeau? Non, mais du coup, simplement, elle sort complètement du véhicule. Et vous y. J'aimerais bien, monsieur Francis, que vous expliquiez la situation. Tu vois qu'elle a une main à sa ceinture. Ok, ça va aller. Attendez, je peux tout vous expliquer. En fait, c'est très simple. Mon ami n'apprécie pas vraiment son nom. Il a fait un peu une crise identitaire il y a quelques années. Et du coup, il préfère changer de nom, un nom un peu plus androgyne, parce que il a des soucis. Faites attention avec ça, il est très susceptible. Hein. Genre, je fais semblant que genre, je lui parle, mais genre en éloignant 22. Et donc, vraiment, éviter de mettre trop ça en avant, parce qu'il peut très vite devenir nerveux, un peu colérique. Faites comme s'il s'appelait Francis, s'il vous plaît, je veux pas encore avoir à gérer ces petites colères. C'est très très androgyne, Francis, hein. On est d'accord. Elle vous regarde tous les deux. Vous m'entendez bien? Oui. Non, parce que j'ai mon Discord qui passe d'un qualité très mauvaise à bonne qualité, j'ai pas géré la dedans. On a tous pareil. Hein. Ouais, ah, d'accord. D'accord. Donc, elle vous regarde tous les deux, une microseconde de silence, et fait « Mais quelle connerie est-ce que vous êtes en train de me raconter ?» Non, en même temps, Francis, nous, androgyne, tu m'étonnes. Alors, vous avez 3 secondes pour me donner une mission, sans quoi je vais devoir vous arrêter et je vous amène au poste pour vérifier ça. Et merde. Merde. Pour vous donner. 1, 2, s'il vous plaît. Je sors mon flingue. Bon. Ah. Non, je vais tenter ça. Non, clairement, je sors mon flingue et je tire sur elle, puis sur la voiture. Enfin, sur le mec dans la voiture. D'accord. Alors pour elle, je vais pas te demander de G parce que c'est. Attends, elle s'attendait clairement pas et tu. Voilà. Par contre, pour le type dans la voiture, oui, et Pat, tu peux parler. Bah, je vais faire un truc juste avant. Excusez-moi, vous êtes à quel poste de police? Ouais, je pense que tu dis vous êtes à quel poste de police et son crâne éclate. Non. 25 sur 40 pour le second jet. Ouais, désolé pour le coup, mais bon, ce genre d'action... discuter, ça marche pas trop entre deux coups de balle. entre deux tirs comme ça. Au moins, t'as tiré son attention pendant que tu diplomatique. Non, mais c'est ça. Donc, du coup, ça fait. Vous êtes à quel poste et PAH ! Elle part en arrière et 22 tire un deuxième coup par la vitre verte du véhicule. Vous entendez un AH ! Et est-ce que vous restez sur place ou vous commencez à partir ? Je mets une deuxième balle et je cours. D'accord, donc tu mets une deuxième balle pour vérifier si t'as touché ou si t'as fait grand dégât. J'essaie de viser un minimum, tu vois, histoire de oui, bien sûr. Tu fais pas tirer en l'air, mais... Oui, ça. Mais tu pas... Tu tires un coup. Je mets une dernière balle dans le pneu pour être sûr. Et après, je cours un peu vers le point de rendez-vous. Là, j'envoie un message. D'accord. En mode, ramenez-vous, il y a la merde. Vous partez en courant. C'est rigolo, ça. Vous partez en courant et tous les autres vous recevez un message comme quoi. Bah moi déjà je suis choqué là. Ah, pas t'es choqué. Je pars pas tout de suite. Je te ramène toi, connard. Non, bon, je balance une insulte par réflexe. Genre pour dire ramène-toi au plus vite. Ça veut dire ça en réalité. Il bouge toujours pas ? Bah moi je reste un peu choqué un certain temps et puis après je vais bouger, je vais probablement passer par un autre chemin. Non mais bouge parce qu'après il va te tirer une balle dans la tête. Hein. Sinon ouais ça fait un témoin de plus. Bon bah du coup tu restes un micro moment sur place sans avoir trop réalisé ce qui se passait tandis que 22 partit en courant. Tu reviens à toi et tu commences à partir toi aussi dans un autre sens, a priori, si j'ai bien compris. Ouais. Très bien. Tu pars dans un autre sens. Mais tu vas me rendre en fin de compte ou pas ? Oui. Tu pars pour retrouver quand même le point de rendez-vous ou tu pars ouais, tu pars. Ouais. À part un autre chemin, en fait. Donc le gars connaît pas la route, mais il dit va-t'en. Ouais, non, mais. Bah, je peux quand même trouver la rue, quoi. Oui. Donc, vous recevez tous un message comme quoi. Il y a urgence. Et vous finissez par vous retrouver dans la hâte. Pas tous au même moment, mais vous vous retrouvez tous de nouveau dans le véhicule de Jess. Question, est-ce que de là où on était avec William, on aurait pu entendre les coups de feu ? Enfin, on était de l'autre côté. Je sais pas, non, pas de distance. Non. Vous êtes écarté. Ok. D'accord. Bah, du coup, on se retrouve dans la bagnole. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi le bordel ? Alors, je précise où il y a la voiture et je dis du coup, juste de l'éviter l'endroit. Quand même. Ok, mais il s'est passé quoi ? Longue histoire de police et de voiture. Qui n'est plus en état de marcher. Et tu es arrivé, moi ? C'est mort. Tu n'es pas encore arrivé. Tu mets un petit peu plus de temps que les autres, mais tu arrives un peu de temps juste avant qu'il parte. Il est où, Pat ? De toute manière, j'imagine. Donc... Il est où, Pat ? Ouais, en passant, il est en retard. Il a pris un autre chemin pour une raison que je ne connais pas. Mais. Il arrive, t'inquiète. Bon, sinon, je pense savoir où est Chipolatas. Vraiment ? Ah, cool. Et juste au moment où tu dis ça, Pat arrive dans le véhicule. Il a du sang sur lui ? Ah non, il a pas de sang. Non. Vu qu'il s'approchait pour lui parler, que t'as tiré en pleine tête, je pense qu'il aurait pu très bien l'éclabousser. A priori, non. Ou en tout cas, il faudrait un examen plus minutieux pour en voir. D'accord. Ok. Mais mon visage, il a quoi, du coup ? En fait, t'as juste les yeux hyper rouges, ouais. Genre du mec qui a passé la nuit à se droguer. À part ça, ça va. Mais t'es un peu blanc puisque tu vis dans le noir, toi. Des petits trous rouges un peu partout dans la nuque. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Pat ? C'est pas le moment de passer à la boulangerie. Mais il a tué des flics. Quoi ? Quoi ? Il a tué des flics. Quoi ? Mon avis. Quoi ? Mais alors, on n'avait pas trop le choix, je te rappelle. Mais il y avait des témoins. On aurait pu trouver une autre solution. Il y avait aucun témoin. Ouais, ok, bah partons vite d'ici alors. Bah oui, c'est pour ça. Putain, Jess, vas-y, emmène là où tu dois nous emmener. Justement, au moment où William. Justement, par contre, William. Je me pose deux secondes parce que les ponts, est-ce qu'ils étaient vérifiés à l'entrée ? Oui, les ponts sont vérifiés. Mais au moment où William dit qu'il faut se barrer d'ici. Jess, tu vois qu'il y a le SDF que tu as déjà creusé, qui est en train de se rapprocher de la voiture juste au moment où tu commençais à partir. Est-ce que tu souhaites juste attendre un peu ou est-ce que tu repars directement ? Ah, attends, tu peux répéter ? Ah. Est-ce que t'attends, tu peux... Au moment où tu te prépares à partir sous sous les ordres, on va dire, de William, tu vois qu'il y a le SDF à qui t'as déjà parlé, qui est en train de se rapprocher de la voiture. A priori, avec un air du genre je veux te parler. Ok, enfin, j'ouvre la fenêtre deux secondes. Écrase-le. D'accord, t'ouvres la fenêtre et il fait excusez-moi. Je pense que j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. Ouais. Vous aurez pas quelques petites pièces? Tiens, je lui retends un billet. Ah, merci beaucoup. C'était pour vous dire que il y avait j'ai entendu dire qu'au moment où enfin où ça s'est passé quoi, où votre tacos il a disparu. Il me semble qu'il y avait sur place un type, je crois qu'il discutait avec lui, quelque chose comme ça. Un Suédois, je crois qu'il s'appelait Tron Svensson, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Voilà, c'est tout ce que... Vous avez parlé d'autres pièces? Tiens, je vous envoie au film. Merci beaucoup, bonne journée. Et il s'en va. Putain, c'est qui ce gars-là, là? C'est lui qui t'a donné des infos? Toujours avoir confiance au pauvre. Roule maintenant, putain, on a tué des flics. J'ai tué des flics. Enfin, il a tué des flics, pas nous. Ouais, oui, mais malheureusement, il est dans notre groupe. C'est quoi cette délation totale? Je veux dire, le jour où on est dans la merde, vous allez faire ça, genre... Ah bah, c'est ta faute. J'aurais pas de sens sur les flics, sur les mains. S'il faut que quelqu'un prenne, je prends. Non, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Il faut juste qu'on reste pas là pendant 6 heures, quoi, à côté des cadavres. Oui, je non, faut partir du moment qu'ils aient pas trouvé le cadavre et que les radios aient pas bipé. Fonce, tu nous raconteras tout sur la route. Exactement, raconte-nous tout sur la route. Je fonce et je leur raconte. Oui. En prenant en compte le fait que vous vous déplacez, vous pouvez discuter, mais je voudrais juste savoir si du coup vous tournez dans le quartier en évitant d'aller vers le pont ou est-ce que vous quittez complètement l'endroit? Il y a un seul pont? Ouais, pour quitter cet endroit, il y a un seul pont. Bah, je prends le pont, dans ce cas-là, oui, forcément. Ou alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on prenne le pont, qu'on attende quelques heures que ça se calme? Non, parce qu'après, il y aura encore plus de contrôle et ils seront au courant qu'il y a un truc de merde. Ok, je prends le pont. D'accord, très bien. Donc, vous prenez le pont et je vous laisse discuter. Bon, du coup, je leur raconte un petit peu ma discussion avec le SDF, le fait que je lui ai donné plein de thunes. Et notamment que tout ceci pourrait être lié au Falcon. Oh. Ah. Falcon. Normalement, on est d'accord, MJ, on avait connaissance de ce genre de nom qui est normalement un gros nom du... Bien sûr. Non. Ouais, et puis vous avez travaillé. Ouais, on a bossé pour... Oui, c'est ça. Non, mais... Falcon, j'ai jamais entendu parler. De souvenir, je crois qu'on l'a genre... quasiment jamais vraiment rencontré, enfin genre vraiment comme... Mais je pensais que les Falcon étaient terminés, mis à part la nièce là. C'était ça. Bah apparemment oui, elle était là pour reprendre l'Empire et tout. Fin... Du coup c'est de la merde. Et... Un peu. Hein. Et tu nous emmènes où là? Est-ce qu'il aurait pas trahi ses Frost pour les Falcon, tu vois? Possible. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Où tu nous emmènes Là, je vous emmène à un burger, on a besoin de faire une pause. Bon, de toute façon, il y a rien de pressé. Venez, on va faire un petit tour à Miami. Non, en effet, je passe au... au Gotham Drive et puis... Ouais. Oh, je prendrais un menu 7, un menu 8, un menu 12 sans frites, un menu 9. Et pendant ce temps-là, à l'arrière, c'est pendant qu'on commande, je leur raconte un petit peu. T'sais. N'oubliez pas le jouet dans la commande. Très bien. Donc, le menu 22, ouais, évidemment. Vous prenez un menu Weinburger. Un Weinburger, putain, c'est ça. Oui, parce que bah, du coup, depuis que les restaurants un peu chelous ont chuté, il reste plus que les restaurants de Wayne Enterprise, hein, parce qu'ils sont un peu dans tous les domaines. Moi, je prends un bad cheese. Faut quand même un sacré melon pour donner son nom à un putain de burger. Ouais, des burgers à base de chauves-souris qui plaisaient. Et vous prenez votre menu et... Vous repartez, j'imagine. Oui, non. On va dans les toboggans. Est-ce que vous allez vous poser à un endroit en particulier ou... Eh bien, je pense en direction... Alors j'ai oublié, c'était quoi déjà? C'était les Falcons, c'était quel bâtiment? C'est les pêcheries Falcon. Les pêcheries, enfin, étonnamment. Il me semble que c'est sur la... Je l'ai mis sur la map, mais je ne sais pas comment je l'ai nommé. C'est... Laissez-moi le temps de l'ouvrir et je vous dis ça, de manière plus précise. Il n'y a pas de problème. Alors, je sais que c'est à Founders Island, c'est dans le sud. Les entrepôts sûr, Falcon en rouge, non? C'est ça, oui. Entrepôts Falcon et... En plus, en dessous de Chinatown, écrit Chinatown, t'as en rouge. Oui. Voilà. Oui. En début de session, je vous ai dit qu'il était parti. Enfin, il avait disparu pas loin de ça et qu'à tous les coups, il y était. On m'aurait écouté, on aurait gagné au moins plein d'heures de recherche. J'arrête la voiture, je descends William et j'en... J'approuve le plan. Mais écoute, je me suis à pied. Du coup, je William a pas donné au bord de l'autoroute. Je demande à Jess. Je dis mais c'est les entrepôts Falcon ou c'est les Falcon? Parce que tu nous emmènes aux entrepôts Falcon, mais c'est ce que t'as entendu ou la pêcherie? La pêcherie Falcon, mais donc ça veut pas dire forcément que c'est les Falcon qui ont fait ça. Non, ça va pas forcément dire que c'est eux qui ont fait ça, mais okay. C'est une hypothèse. Ok. Ouais, j'ai pas confiance. Mais je... c'est les Falcons. Enfin, pour moi, en fait, son enlèvement, c'est limite prétexte, en fait. Genre, c'est pour faire genre. Oui. Tu sais, c'est comme les indices, tu sais, quand les filles. Il m'a dit genre, qu'il était même pas sûr que c'était musclé, tu vois. C'est vraiment. Je pense c'est vraiment pour faire genre. Oh là là. C'est ça. Et il t'a donné des indices sur les gars? Ah, j'ai tout dit. Oui, j'étais cagoulé. Fallait écouter. Non, t'as parlé d'un homme avec un nom d'oiseau ou de... Je sais pas quoi, oui, si, il m'a parlé de vachement là, de... Oui, là, le piaf. Le pivert. Non, oui, et surtout, putain, comment il s'appelle son suédois. Ah oui, non, oui, le suédois. Putain, il a un nom chiant, même moi qui... Stevenson, Sir Gunson. Ouais, c'est un truc en sonne, quoi. Je vais vous aider quand même parce que sinon on est perdu. Sam. C'est Transvenson. Transvenson, comme le film. Samsonite. Ouais, c'est ça. C'est, alors, un, c'est raciste et deux, comme le film, effectivement. Transvenson, d'accord. Ouais. Écoute, moi je le connais pas, ce Transvenson. Moi non plus, jamais entendu parler. Oh. Non plus. Ils ont dû vouloir faire tomber à mon avis Frost. À part s'il faut faire un jet de pègre, de connaissance, quelque chose. Ah pourquoi pas, ouais, faire un petit jet pour essayer de savoir qui c'est. Ouais, je vais tous vous demander un jet, tout simplement. Culture de... botanique? Non, de crime organisé. Oh, c'est la première fois qu'on l'utilise. Oh là là là! C'est pas plutôt connaissance de la rue. Ça c'est où crime organisé, je comprends. C'est pas plutôt tir. C'est pas conduite. Ouais, conduite poids lourd, ça me l'air pas mal. Hein. Poids lourd. Il est un peu gros. Donc... Mes notes à l'école. En fait, c'est mon frère. C'est mon frère. Mes notes à l'école. Je suis suédois, les gars. Moi aussi. C'est mes notes à l'école. On est tous les deux frères, 22. Oh, en plus, c'est 2-2, ça fait 22, putain. Tout est lié. Eh bien, vous. Ah, y a pas Pat qui a mis son résultat. C'est quoi ton résultat, Pat? Oh, Pat, ça fait comment de petit Pat, chien, Pat, j'ai 2. Ouais, faut... J'ai des bons gestes, je suis content. D'accord. Bah, sur 18, sur combien? Je sais pas. Il faut que j'aille vérifier les trucs de Pat. Non, mais... Culture Gotamique, c'est un truc qui de base. Crime organisé, il y a des choses. Culture Gotamique, j'ai 6. Non, c'est en crime organisé. Crime organisé, tu as 30. Crime organisé, ça va être mieux tout de suite. T'as 30. Donc ça va. Ah, donc, eh bien, vous connaissez tous, plus ou moins, mis à part Jess, qui a priori, elle a raté l'info, quoi. Mais il faut dire que vous, vous le saviez un peu. Il y en a certains qui savaient de longue date, comme 22. Ouais, enfin, j'ai vu le remake quand même. Ouais. Comme... Ah, William, il a sûrement bossé pour lui, je suis sûr. Comme 22 qui était déjà dans le milieu du crime depuis un petit moment quand même, il connaît. Moi, c'est parce que j'ai fait des comptes. Avant en fait, il ne savait même pas. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, et ça peut tout aussi bien être très récent, ou autour d'une discussion au MyAlibi ou quelque chose comme ça, vous avez déjà entendu parler de ce Trump Svensson, qui est trafiquant d'armes, et qui passe pas mal de temps dans un bar, tout simplement, qui s'appelle Le Boulier. A priori, c'est là où il fait la plupart de ses transactions. On peut aller là-bas. Ou alors, on va essayer d'observer les entrepôts. Parce que s'ils ont planqué quelqu'un pour le torturer ou quoi, ça va être là-bas. Bah, après, si c'est... Ouais. En fait, on a une chance sur deux. C'est soit il est en entrepôt, soit il est... Le problème, c'est que si Falcon est directement à l'entrepôt, j'aimerais genre me confronter à lui dans la dernière des solutions. C'est quand même Falcon, quoi. Enfin, c'est pas vous, hein, mais... Il a encore envie, Falcon ? Il me semble, si je dis pas de bêtises. Le... J'ai une question MJ, hein, cette que ça. Non, le Falcon... Les Falcons ne sont plus rien en ville depuis un moment. Oui, c'est il reste que la Chine, non ? Et le grand patron Falcon, il a disparu depuis un petit moment, quand même. Disons qu'il a disparu du milieu, plus ou moins, au début des rumeurs du Batman. Du coup, ça n'a aucun sens qu'il ressurgisse maintenant. Bah si, du coup, c'est peut-être... Si, au contraire. Ouais, non mais oui, il prévoyait... Au contraire. Coup, moi, je pense pas que ce soit lui. Hein. Ah. La mafia est faible, la Falcon veut s'inférer en prise de pouvoir, c'est logique qu'elle le sait maintenant. N'empêche, ça correspond avec ce qu'on dit. Là, clairement, il y a des brèches et tout le monde va tenter de venir. Donc, nous, si on veut s'installer, c'est le moment parfait. Donc, si on veut s'installer, il faudra l'éliminer, elle. Enfin, les Falcons. Bah, on peut très bien s'installer et les éliminer, genre, une fois qu'on a déjà un peu d'hommes. Hein, ouais. Il faut déjà avoir des hommes. Il n'y a pas, que la mafia en ville. Hein. Ah, tu sais, il y a plein de mafias qui se sont lancés à la base de la rue. Hein, c'est... Ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'on lance quelque chose. J'ai une réelle question, est-ce qu'on en est pas déjà une en fait? Bah à la base, enfin déjà à nous, oui, il suffit juste que bah, du coup on est là. C'est ça quoi. Du coup vous voulez faire quoi? Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un tour aux entrepôts ou qu'on aille directement voir faire un tour au boulier? Je sais pas. Donc en fait c'est une chance sur deux. Bah après... On peut toujours aller passer devant l'entrepôt, voir s'il y a de l'activité. Et si on voit que... Non mais, passer devant, ça n'a pas de sens. Parce que s'ils torturent un mec, ils le font pas devant la rue, en fait. Ils le font au fond. Bien oui, non mais voir s'il y a... Voilà, l'activité, s'il y a, ça, oui. S'il y a du monde dans... Enfin, s'il y a des voitures garées devant qui seraient plus suspectes, à mon avis, s'il y a du monde, quoi. Si on peut rentrer à l'intérieur déjà ou pas, quoi. Parce que concrètement, si on y va, c'est pour faire quoi? Parce que si on rentre à l'intérieur, c'est pour choper Chipolatas, donc ça veut dire qu'il va, on va devoir se mouiller, quoi. Oui. Auquel cas, je vous propose de, si on rentre à l'intérieur, de faire rentrer le Redwood. Oui, après, tu vois, c'est pour ça que le bar peut être aussi bien, parce qu'on peut y rentrer... de manière incognito. Ouais, c'est ça, on peut d'abord arriver de manière incognito avant de foutre la merde. Alors que l'entrepôt des civils, ça passe pas, on est obligé effectivement de venir en Red Hood et de... Mais le problème c'est que si, imagine, ils sont pour rien et c'est un coup indépendant, j'en sais rien, mais imagine, il y a une couille dans le pâté et que du coup on se trouve avec tous les gens qui veulent nous tuer, ça serait un peu... Et est-ce que vous pensez pas qu'ils aient pu... Contrairement à ce qu'on pense, on supprime un potentiel concurrent, donc ça peut être remboursé du temps d'y aller en Red Hood et de tout défoncer. Ouais, mais je pense que si c'est un trafiquant d'armes, il doit être bien protégé. Et je sais pas si vraiment on a maintenant. Alors, si je le connais depuis longtemps, je pense qu'il a un minimum protégé, sinon il serait déjà mort. Donc ici, à la limite, il faut le faire, c'est pas là. Parce que là, à la limite, c'est, ça va être trop protégé, ce serait autre part, mais... Bah, en fait, je me dis, à la limite, si vraiment c'est eux qui sont derrière la mort de Frost et tout, ils viennent d'éliminer leurs ennemis, je pense que c'est limite maintenant qu'ils se disent « on est plus en sécurité, on peut s'autoriser quelques erreurs », tu vois. Je pense qu'il y a une... Et... Je dis pas que ça, ça veut dire qu'il faut foncer, je dis juste qu'il y a une petite probabilité, et je m'y connais, hein, j'ai fait des études en maths, il y a une petite probabilité, en vrai, que justement, ils fassent des erreurs maintenant parce qu'ils pensent avoir éliminé et qu'ils prennent la confiance. Et alors, est-ce que ce serait pas le genre de personne à vouloir éliminer tous ceux qui ont participé aux opérations? Mais je sais pas, mais le truc c'est, tu vois, genre tu pourrais, je sais pas, en vrai c'est super compliqué parce que, en fait, encore une fois, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas assez d'infos, mais ouais. C'est soit il fait une erreur parce qu'il commence à prendre la confiance, en mode haha, on tue tous nos ennemis, ça va, soit il est encore plus paranoïaque, mais c'est... C'est compliqué. Mais je pense que ça peut valoir le coup d'essayer quand même. Après, par où on commence, je sais pas. Genre, franchement, je l'ai... Bah, honnêtement, pour moi, je vous dis mon avis. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. Il faut d'abord se débarrasser de, s'il est encore en vie, de Chipolatas. Parce que c'est le seul aujourd'hui qui peut dire oui, que nous que avons fait partie de... Pas où il est. Ben si, a priori, elle nous, Jess a l'info, il est aux entrepôts Falcon. Si on ne se demanderait pas la question, est-ce qu'on va à tel endroit ou à tel endroit? On irait. Ben il a été pris, il a été emmené a priori aux entrepôts Falcon. C'est ça, Jess? Oui, c'est vrai que l'autre, on sait qu'il est habitué à aller dans un bar, mais là maintenant... Ouais. C'est les entrepôts Falcon, c'est là où le gars a dit qu'il serait allé. Bah du coup, il faut y aller en Redwood et il fout le bordel, quoi. Mais on peut aller au bar avant si vous voulez en repérage. Moi, ah, c'est... je propose qu'on fasse un vote. Bah, moi je suis neutre, parce qu'en vrai, aucun des plans m'a l'air mieux, parce que, vu qu'on manque d'infos réelles, tu vois, concrètes. Tu veux qu'on prenne les infos? C'est un peu, tu vois, genre vraiment, c'est pile ou face, genre, est-ce qu'on préfère commencer par ça ou par ça? Bon, on peut essayer de choper d'autres infos. Le plus simple, selon vous, c'est le café. Après, en vrai. Je sais pas. En fait, je me dis, tu vois, il y a peut-être une possibilité qu'on arrive au bon moment, un moment où il y a peut-être sa garde qui est baissée, et que si on tarde trop, on pourrait rater ce moment et qu'il reprenne totalement possession de ses moyens. Parce que là, ouais, du coup, si... Voilà, et on va arriver au moment où... c'est vraiment pile au face pour le coup, genre on va arriver au moment... Ah oui, clairement. Mais en fait, c'est le problème de cette mission, c'est que c'est une mission suicide. Le truc, c'est que si on y arrive, on est au sommet. Si on échoue, bon, on est mort, c'est pas important, mais... Mais est-ce que tu crois pas que au niveau des entrepôts Falcon, personne à s'attend à ce que qui que ce soit vienne chercher Chipolata. S'il est justement, en vie, j'entends. Mais justement, tu vois, genre, normalement, là, tous ceux qui connaissent Chipolata sont morts, mis à part nous. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est peut-être le moment où ils commencent à baisser leur garde, parce qu'ils sont là, ça y est, on a éliminé tout potentiel danger. Et peut-être qu'ils ont vu qu'on est encore petit, peut-être qu'ils nous ont pas calculé. Et que du ouais. coup, on peut... D'après Chipolata, je te connaissais quand même. Hein. Oui, bien entendu, mais... Encore une fois, on est petit. Tu vois, genre, on est des sbires, et ça peut, ils s'attendent qu'on se soit fait tuer de manière... Pas plus vraiment des sbires maintenant, mais oui. Ah, mais tu vois ce que je veux dire, 22. Exactement. Je sais pas. Honnêtement, après, on... oui, comme tu dis, on n'a pas 36 trucs... mais je non, pense honnêtement qu'un chef est toujours bien... Un chef est toujours bien protégé. Que lui il ira pas boire un verre au boulier avec trois pélos, quoi. Un chef est toujours pas bien protégé, c'est pour ça qu'on vient de perdre Frost et Oui, mais de quelle manière? Genre, c'est un bâtiment qui a explosé Exactement, ça veut dire que si ils ont réussi à trouver une faille chez Frost et Patrick qui eux avaient leur garde levée, pourquoi est-ce que nous on n'arriverait pas à trouver aussi une faille chez eux, tu vois? Ouais, mais nous on est 5, eux on sait pas combien ils sont, c'est ça le problème. Mais de toute façon, on va y arriver, mais enfin, je veux dire, on va pas rentrer genre de manière totalement random non plus. Dans tous les cas, l'attaque, ça me dit à peu près, mais de toute façon, faut qu'on fasse quelque chose, faut pas qu'on reste là, genre des jours à parler. Ou alors, mais voilà, moi après, je vous dis. Soit on agit maintenant, ou soit on prépare vraiment un gros truc, mais dans ce cas-là, on se prend des hommes et tout, quoi. Enfin, genre, c'est au choix. Mais il y a un risque, du coup, il nous voit arriver. Les hommes, ça se trouve, y a pas de problème. Exactement. Mais après, tu vois, genre, c'est soit on... En fait, c'est ça, c'est soit on fait pile ou face, c'est soit on se dit, bon, on essaye maintenant, du coup, ils nous attendent pas, on peut avoir l'effet de surprise, soit on prend le risque qu'ils prennent conscience qu'on est là et qu'on est en train de réunir quelque chose contre eux, tu vois. En vrai, bon, je propose qu'on fasse des votes, mais moi je suis pour aller chercher Chipo. Moi aussi. Et tout le monde est pour aller chercher, mais aller chercher où? Oui. C'est, c'est surtout la question de comment on va le chercher et comment on effectue, tu vois. Après, effectivement, on va chercher Chipo, ça c'est le but. Eh ben écoute, on y va en Redwood et on peut faire déjà un passage. Un petit détour pour chercher des armes lourdes pour ceux qui sont... Ouais, et les chiens aussi. Et les chiens, des armes lourdes et des gilets pare-balles, je suis sûr que ça doit pas coûter... Bah, va falloir changer de véhicule alors. Est-ce que t'as toujours ton véhicule, Pat? Oui, je l'ai. Ils sont dans les blindés. Ah, ta voiture est... Ouais, mais est-ce qu'il y aura la place pour mettre les chiens dedans? Ouais, mais tu vas pouvoir mettre les chiens et les armes dedans? Ouais, non, bah on met pas les chiens sur la banquette arrière. Non, mais pas de prendre les chiens, c'est bon. Non, mais exceptionnellement, c'est bon. Soudain, alors que vous venez de faire votre choix, et que vous décidez à aller vous surarmer pour attaquer les pêcheries Falcon, Thompson, la sonnerie de ton téléphone résonne dans la voiture. Tiens, c'est qui? Je regarde mon téléphone et je regarde le numéro. Tu vois que c'est un numéro. Mais c'est un numéro que je connais, il y a un nom dessus ou c'est juste des chiffres? A priori, pas vraiment. Bah écoute, dans le doute... Je décroche. Oui, allô? Il y a un petit silence qui te répond. Puis, rapidement, il y a une espèce de voix que tu sembles reconnaître, qui a l'air de parler un peu à voix basse. A priori, c'est... C'est Chipolatas. Qui te dit... Thompson. C'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous? T'es où? Vous êtes... T'es avec les autres? Oui, oui. On te cherche, là. On essaie de se regrouper. T'étais où, toi? Putain, c'est la merde, les gars. Frost et Patrick, ils sont morts. Oh, putain. Et toi, t'es où? Moi, je me suis trouvé une planque, putain. Il y a... Les flics me cherchent, la mafia me cherche, la triade me cherche, tout le monde me cherche. Écoute, il y a même des gars du complot qui me cherchent maintenant. Oh putain. Oh les enflures. dis-nous, on peut te rejoindre, on se retrouve là-bas. Écoutez, je... Bon, on... On se retrouve dans une demi-heure à la place de Gotham Plaza. Je serai tout seul parce que je peux pas me permettre de me déplacer avec d'autres gars. Ok, 30 minutes dans Gotham Plaza. Gotham Plaza. Ok. Ça marche. C'est pas le nom de chez Stéphane. Ok, ça marche. Donc tu seras seul, hein. Tu seras seul, hein? Oui! Ok. C'est pas trop. Dis au revoir à ta famille! Ah, j'ai trouvé. A tout à l'heure! J'ai trouvé Gotham Plaza. Oui. Bon, bah, je raccroche. Hein. Thunder's Island, juste en dessous du F, il y a marqué en gros Gotham Plaza où t'as mis un gros carré. Ah, c'est la place de Gotham, simplement. Allez, go. Comme son nom ne l'indique pas. Est-ce que on prend quand même des grosses armes pour bien le faire? On a une demi-heure, hein. Alors moi je dis on peut l'attendre avec des mitraillettes en mode... Chipo. On peut au moins aller chercher les chiens. Oui, les chiens. Non, mais en vrai je propose... Je sais pas si c'est sur le chemin, mais à la limite on se sépare. Genre il y en a qui vont à Plaza et les autres prennent la voiture jusqu'au chien, quoi. Ça, les gars, bon, faut clairement s'attendre à ce que ce soit un piège. Hein. Non, mais exactement. En fait, justement, c'est pour ça que je me dis, on peut y aller là maintenant tout de suite en avance. Il y en a d'autres qui vont chercher, et comme ça, il y en a. On essaie de se planquer un peu sur la place pour voir s'il n'y a pas un piège, quelque chose qui se prépare, tu vois. Moi, attends, je sais plus où j'habitais. Après ce qu'on voulait, mais moi je propose clairement, par exemple, il faut épingle, c'est, et Tapson, 22, toi t'as la bique dans le Old Gotham. Oui, je sais que dans le Old Gotham, mais j'avais mis une royale précise. Après, en même temps, il faut que ce soit raccord parce que s'il faut aller chercher les chiens qu'on a rendez-vous dans 30 minutes, est-ce que c'est techniquement possible de faire aller chercher les chiens et se retrouver à Gotham Plaza en 30 minutes? Et si on a du retard, ce sera cramé Gendouille. Monsieur le MJ, est-ce qu'on peut faire techniquement là où on est c'est faisable. En grillant tous les feux rouges, ça. Disons qu'il faut juste espérer pas trop se faire ralentir par quelque chose qui pourrait arriver sur un jet de dé du MJ par exemple, mais oui. Oh punaise, t'es sûr que t'as besoin de tes chiens là? Je pense pas qu'on soit. Jess, elle conduit 22 et Pat là-bas, il récupère le chien, Pat prend sa voiture, je sais pas, genre on prend les chiens, ils reviennent ici et c'est bon. Enfin, genre, en vrai, je pense que ça peut se faire ultra rapidement et sans qu'un problème. Et justement, nous, on est en avance au cas où il y aurait un plus, un piège. Alors, ouais, comme ça, vous pouvez guetter. Si je me souviens bien, je devais être vers le Assyrie Sionis. Le gros truc bleu, là, sur le Old Gotham. Oui, d'accord. Mais en plus, c'est pas si loin que ça, donc en vrai, ça passe que... En plus, il y a genre une ligne droite pour y aller. C'est bon. Faites pas genre, les mecs, oh, c'est trop loin. Ouais, c'est faisable. Non, il me semble vraiment que c'est par là. Et là, le MJ fait un jet de dé, et là, un des axes est en travaux, il faut faire tout un tour. Et en fait, je suis à bout d'aval. Oh mon dieu. Non. Bon, du coup, vous faites vos déplacements. Ouais. Et vous pouvez récupérer les chiens, récupérer ce que vous voulez, et être présent. Est-ce que sur les lieux. Dans les personnes qui sont restées, je suppose que c'est moi et Thompson ou moi et Pat, mais un truc genre. C'est moi et Thompson, je suis resté avec toi. Est-ce que nous, du coup, on peut regarder? Parce que moi, je pense quand même qu'il y a aussi un risque que lui nous piège, vu qu'il s'est fait choper par les Falcons. Et là, il est en mode, ouais, non, c'est bon, je m'en sors dans une. Ah, mais clairement, de toute façon, clairement, c'est comme ça que je vois, moi. Parce que si ouais. Je me souviens bien de ce que a dit Jess, il y a des gars cagoulés qui l'ont chopé. Et qu'ils l'ont emmené normalement. Et là, voilà, non, mais les gars, tout va bien. Donc, il s'est caché, il vient tout seul. Donc, c'est un peu chelou quand même. Moi, j'aimerais bien, genre, on se met en mode, tu sais, des flics civils avec les lunettes qui s'assoient à un bar et qui regardent un peu partout. Avec un journal avec des trous dedans. Je m'achète un journal, moi, je me suis acheté un journal. Et, enfin, sans les trous, mais oui, avec le journal, tu dis, en fait, tu regardes. Donc, d'accord, donc vous repérez un peu. On fait du repérage. On fait du repérage d'abord. Gotham Plaza a l'air d'être c'est un endroit complètement public, donc il y a des gens. De toute évidence, il y a des gens, même si bon, il y a de toute évidence moins de gens qu'en temps normal, parce qu'il y a l'état d'urgence, tout ça. Il y a un peu les gangs qui se font un peu la guerre dans les quartiers juste à côté. Donc il y a un peu moins de gens, mais il reste toujours des civils. Et ça a l'air d'être le genre d'endroit... où vous pouvez vous faire tirer au sniper de n'importe quel balcon, de n'importe quel côté, de n'importe quel étage. Oui, c'est à découvert, quoi. Paranoïa. C'est à découvert, en fait, on est... Oui, c'est ça, c'est complètement à découvert. En fait, Gotham Plaza est un gros carré plat, entouré de grands bâtiments. Mais moi, je suis passé à la boutique, je me suis racheté une casquette, enfin, j'ai repris une casquette et une paire de lunettes. Avec je me suis acheté carrément des fringues complets. Je me suis acheté un petit haut de forme et j'ai viré mon costard pour des vêtements genre veste en cuir, genre truc du genre quoi. Pour genre comme ça on reconnaît pas. Mais du coup je dis à Thompson que dès qu'il arrive, genre ça serait bien qu'on arrive à le mettre de côté pour sortir de cette zone assez dangereuse pour nous, tu vois. Parce que si jamais il y a des tueurs de Falcon. D'accord. Très bien. Bah, disons que ouais moi franchement. Je me suis racheté des fringues en mode jogger, casquette, tu vois. Et on fait quoi? On se sépare un petit peu. On se met pas à côté, ouais. Quoi. Je veux dire. Ouais, bah c'est à dire que là, vu qu'on est en repérage, oui, autant qu'on soit plus séparé, plus tranquille. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je mets mon kit main libre. J'appelle William, donc on est en communication ensemble tous les deux avec le kit main libre. Et je mets mes mains dans les poches, genre en marchant lambda, tu vois, genre le gars qui marche. Et je ziote un petit peu à droite à gauche si je reconnaîtrais pas Chipolatas dans un coin, tout en discutant avec William. D'accord. Bien, vous faites donc tout ça. Et peu de temps, très peu de temps en réalité, avant que Pat et 22 et Jess vous retrouvent, tu as pu, Thompson, observer ce qui semble être Chipolatas, avec un gros impair pour se cacher entièrement et un chapeau pour essayer de ne pas être reconnu. Qui est venu s'asseoir sur un banc en plein milieu de la Gotham Plaza. Est-ce que je peux essayer de voir si... bien sûr, pour l'instant, on n'est pas arrivé. Ça faisait peut-être pas 30 minutes encore qu'on... Enfin, c'est pas encore le moment du rendez-vous. Mais est-ce que je peux essayer de voir s'il regarderait pas dans des coins spécifiques, genre en haut des immeubles ou, tu sais... Il a l'air de regarder un peu partout autour de lui. Pratique ça. Ouais. Alors, t'as du mal à savoir si c'est des regards qui visent à quelque part en particulier ou si c'est juste qu'ils cherchent des gens du regard de vous, par exemple. D'accord. Et dans ce cas-là, j'ai toujours le numéro avec moi. Oui. Parce que donc je peux toujours l'appeler, c'est possible. Oui. Je vais lui dire. Je vais l'appeler et je vais lui dire de bouger, de se déplacer et de se diriger par où je... Alors, dirige-toi vers le Maya Libby. Je lui dis pas d'aller au Maya... Ouais, j'ai monté. Je coupe avec William. Je dis à William ce que je veux faire en fait avant. Et en gros, je lui dis de se déplacer en direction de. Je n'ai pas dit d'aller là-bas, mais d'aller en direction d'eux. Et nous, on va le filer en fait de loin. Pour s'écarter de Gotham Plaza en fait. Exactement. Parce que clairement, c'est trop grillé quoi. Là, on va trop se faire bouffer quoi. Et puis le mec il fait ouais, il faut un endroit discret, on va prendre la bonne grosse place bien visible. Ouais. Donc du coup, je explique ça à William. Et après, j'appelle Chipo et je lui dis. Moi je préviens les autres. Hein. D'accord. Et je lui dis de se diriger en direction du Maya Libby. Pas question. C'est ce qui te répond, hein. C'est pas le MJ qui te dit de fermer ta gueule. Ouais, non, je sais. Non, tu fais pas ça. Je lui dis clairement, c'est trop exposé ici, aussi, on peut pas venir. Vous me faites aussi confiance que je vous fais confiance. C'est-à-dire pas énormément. Ouais, mais écoute, mais franchement, c'est trop exposé ici. Donne-nous un autre endroit, mais pas celui-là. Ici, c'est trop exposé. Très bien, je partirai sans vous alors. Et il raccroche. Sinon, on le flingue maintenant. Hein. Ouais, en plein milieu de Gotham Plaza, bien sûr. Moi, je suis incognito, je mets le masque, j'arrive, je le flingue, on se casse. Oh putain. Mais non, on l'a fait les chiens. Non mais en vrai oui, hein. En vrai 22, tu te caches à l'arrivée, tu lâches les gens, tu fais « Oh non, mes chiens !» De toute façon là, pour l'instant, il sait pas où on est. Nous on le sait, mais pas lui. Non, du point de vue que tu as sur lui, là, tu vois que bon, il vient de raccrocher au téléphone et il regarde aux alentours avec insistance. Genre, il cherche vraiment partout. Parce que du coup... Il commence à dire peut-être que vous êtes pas si loin que ça. Les autres, vous en êtes où? Juste cinq questions. Les autres, bah ils sont là. Genre ils vont arriver sur la Gotham Plaza dans 3, 2, 1, ils sont là. Ok. Mais ils sont au courant de ce qu'on a fait, donc ils vont pas se jeter dans la place. Moi, normalement, je t'envoie un SMS en mode ouais bon il est un peu chelou tout ça. Voilà, en mode ne venez pas en plein milieu en mode. Ok, ça en quoi il nous casse les couilles l'autre chipolatas, tacos. Vous l'avez tué, c'est bon. Ah, t'es là, salut. Je t'avais pas reconnu avec ton appareil. Je l'ai manteau d'ailleurs. Est-ce qu'il reste toujours au milieu ou il va se déplacer, où il se déplace là? Il a plus jamais bougé. A priori là, il est en train de toujours d'observer aux alentours. Et tu vois qu'il a toujours son téléphone à la main et il jette encore des coups d'œil à son téléphone. En regardant ensuite aux alentours directement. Genre il sait pas trop s'il doit choisir entre observer autour de lui ou son téléphone. Bah, je le rappelle. Tu vois qu'il répond immédiatement. Écoute, hey, je pense qu'on est tous dans la même situation. Et on veut tous la même chose, s'en sortir. Clairement, c'est sûr qu'on n'est pas dans une période où tout le monde peut se faire confiance tranquillement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à s'entendre. Et honnêtement, tu peux comprendre que Gotham Plaza, c'est pas l'endroit le plus sympa pour discuter de tout ça. Donc, je te laisse la possibilité de choisir un autre endroit, plus tranquille. C'est toi qui choisis. Donc, tu vois, on peut pas. Voilà. Et on te suit. Mais là, c'est trop chaud. Oh, la Wayne Plaza. un truc plus convivial. Quelque chose de plus convivial. Il faut qu'on travaille ensemble, de toute façon. Ouais. Donc, on va se retrouver ensemble, au moment. Tu vois qu'il te répond. Enfin, tu vois et tu entends qu'il est en train. Il est plutôt pensif. Il laisse un vide dans la discussion, puis il te donne un numéro de rue, enfin un numéro, une rue, dans le vieux Gotham. Il te dit, c'est l'endroit le plus discret que je peux avoir. Mais clairement, cette fois-ci, je serai avec des gars. Je peux pas me permettre d'être dans un coin comme ça, et de pouvoir me faire buter dans l'ombre. Ok. Ok, ça marche. Donc je note la rue, hein, je sais pas ce que quoi. Enfin voilà, je note la rue. Tu veux qu'on y soit à quelle heure? Dans combien de temps? Le plus vite possible. Ok, ça marche. Et du coup, on le prend en filature pour surveiller qu'il appelle personne sur le trajet et s'assurer que normalement il y a... Exactement, là on va essayer de le garder à l'œil. Oui, mais ouais. Il va appeler des gens sur le trajet, de toute façon, c'est sûr, s'il appelle des gars lui. De quoi? S'il appelle des gars, lui, il va forcément passer des coups de fil. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on va... Oui, mais on a l'avantage sur lui, maintenant, puisque nous, on le voit pas, lui. Pourquoi tu valides ce que je dis? Bah oui, c'est ça. Oui. Bah oui, bah on est tous d'accord. Il est en mode genre, non, mais oui. Mais non. Mais qui c'est qui a dit non? C'est moi qui dit non. Enfin, moi, j'ai pas dit non, j'ai dit... Qu'il était obligé de passer des coups de fil. Mais oui, s'il a des mecs et qu'il veut nous tendre un piège, il va passer des coups de fil. C'est pour ça qu'on va le prendre en filature pour vérifier qu'il n'appelle personne. Mais non, mais... Dans tous les cas, on sait qu'il va le faire. Il nous l'a dit qu'il allait le faire. Mais c'est pas grave, laisse-moi. Oui, on est d'accord. Bah, bon, maintenant, il a dit qu'il aurait des cas à lui parce qu'il avait peur, machin. Donc forcément qu'il va passer un coup de fil. Oui, non, mais... Bon. Et là, je dis, les gars, faut qu'on le suive. Arrêtez de parler. Merde, il est parti. Il est là-bas. L'enculé. Pendant que vous discutiez, vous avez eu le temps de le voir, a priori, essuyer de la sueur sur son front, puis repartir à travers la Gotham Plaza, vers ce qui semble être son véhicule. Du coup, donc il part seul dans son véhicule, on est d'accord? Il n'y a personne dedans? A priori, non. Il monte côté passager ou pas? Non, il monte côté conducteur. Ok. Bah, ça aurait pu. Hein. Il a le volant à droite, c'est pour ça qu'on a cru que c'était un passager. Alors. Du coup, vous étiez dans la voiture, vous êtes resté dans le véhicule, vous êtes pas descendu. Si là du coup, mais pour monter. Ah, vous êtes descendu du véhicule. Bah pour parler, c'est plus pratique. Bah du coup il faut qu'on se magne alors, parce que pour essayer de pas le perdre de vue. On va le laisser tranquille, je propose que ce soit 22 qui le prenne en filature parce qu'il connaît pas sa bagnole. Alors que la mienne il a déjà dû l'avoir mais il y a la bille. Ouais, ah 22 il a un véhicule maintenant. Mais après en fait c'est pas la mienne. C'est pas non plus après, j'ai chez les chiens. Je peux en voler une si tu veux. Il y a des voitures qui apparaissent, non, non, pas là. Non, là, on n'a pas le temps. On prend la voiture de police. Pardon. Et on met les sirènes. Du coup, bah, je sais pas qui a. Alors, du coup, alors. Non, mais c'est bon, qui on a des véhicules dans le suivi. Qui a un véhicule? Parce qu'il y a combien de véhicules en tout là? Je sais même plus. Moi, je suis piéton depuis le début de la campagne. Alors, je sais conduire, mais je n'ai pas de véhicule. Ok. Donc, il y a que Pat normalement et Jess qui ont des véhicules dans le groupe normalement. Donc, Pat, est-ce qu'il est. Moi, je stocke 4 chiens. Pat, est-ce que tu es véhiculé en ce moment même? Je sais pas. Bon, en principe, je stocke les 4 chiens là. Ouais, en principe, Pat a les 4 chiens et moi. Voilà. Donc, vous avez un véhicule et Jess a un véhicule. C'est ça, c'est ça. Allez. Donc, Pat, on n'a pas le temps de parler. Pat, il est déjà dans son véhicule puisqu'il il a les 4 chiens et machin, donc suis Chipolatas. Je pense que cette conversation ne compte pas dans le temps RP parce qu'en vrai, on sait qui est dans un véhicule. Ça oui, pas dans la vraie vie qu'on se regarde en mode hey, t'es dans un véhicule ou pas? Oui, voilà, parce que. On dirait bien, non, il non mais... partir entre non, toi mais... et moi. C'est juste qu'on n'a jamais expliqué comment on était oui, ou non. De quoi de caisse. Donc, c'était juste pour avoir dans l'espace autant pour ça. Ouais. Donc, du coup, là, on est d'accord que Pat et 22, vous êtes ensemble avec les chiens. Que Jess, elle est toute seule dans son véhicule. Nous, et que nous, on est dehors à pied. C'est ça? Mais nous, on va monter. Voilà. Et donc Pat, je te demande de suivre Chipolatas. Et nous, on vous rejoint avec Jess en véhicule. Ça te va, Pat? Qui est en train de manger? Oui, c'est bon. Très bien. Entre une saucisse de Strasbourg et trois morceaux de chou. On va bouffer un poulet. Un poulet. Oh, c'est bien. Donc, il est totalement RP, Pat, tu vois. Ouais. Donc, Pat et ses deux chiens, Pat et ses deux chiens, ainsi que 22 et ses deux chiens, sont donc dans le véhicule. C'est un peu comme le Pat Vendôme, hein. On a cassé. Chipolatas en filature. Les autres ne sont pas spécialement loin derrière, mais ils sont pas aussi près que vous. C'est ça. Vous avez une visée directe sur lui, tandis que les autres, bon, ils ont un peu de retard. Et vous le suivez, et a priori, il se dirige toujours plus vers l'adresse qu'il vous a donnée, pour finalement y arriver directement. Il n'a pas fait derrière, il a rien à faire. Donc il n'y a pas d'homme avec lui. Ou alors ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans. Pas pour le moment, ou peut-être qu'ils sont en effet dedans. Bah, on se met à un quartier un petit peu plus loin et voilà. On attend. Très bien. Après, je propose à Pat à la base, moi. Hein, c'est... Ah, d'accord. J'affirme même pas pour les deux, c'est pas moi qui conduis là, je crois. Mais c'est... Pat, tu veux. Oui, on fait comme tu veux. Ok, bah, go, on se met à un autre quartier, genre la rue d'à côté. On se pose et puis on attend le signal des autres. J'envoie un message comme quand on est sur plan et apparemment il n'y a pas fait de détour. Très bien. Vous avez donc vous mettez de côté, vous avez eu le temps d'observer un peu le bâtiment dans lequel il vous a donné rendez-vous. Ça a l'air d'être une espèce de maison avec un seul chaussée. Le genre de truc qui a l'air d'être bien en béton, bien concret. Chose particulière, il n'y avait pas l'air d'avoir de fenêtre, en tout cas sur cette face du bâtiment. C'est une prison, putain. Ouais. Et la porte avait l'air plutôt métallique, bien lourde. Bien sécure. Ok. Ouais. On attend le signal des autres. Voilà. Très bien. Et les autres, qu'est-ce que vous faisiez pour l'instant? Vous suiviez tout de même ou Oui, je pense, mais de plus loin en fait. Enfin, je me dis, j'ai juste vers l'adresse sans prendre oui, en compte ça. Les. Nous, c'était juste un déplacement, tu en étais pas en mode on va le suivre. Ok, d'accord. Donc, vous faites votre déplacement et vous-même, vous arrivez à l'adresse et vous voyez aussi ce bâtiment plutôt particulier qui a l'air d'avoir sur sa devanture écrit repère de méchants, ne pas venir SVP police. Putain, Gotham, c'est tellement une ville abstraite. Tellement à part. Mais oui, c'est un peu l'ambiance qui ressort de bâtiment avec aucune ouverture sur l'extérieur. Dans un des quartiers les plus criminels de Gotham. Donc, je vous laisse décider ce que vous faites. Oui, il a donné le rendez-vous dans combien de temps? Le plus vite possible, c'est ça? Oui, le plus vite possible. Oui, ils sont arrivés les autres? Les autres, si tu considères que c'est William et Jess, oui. Personne d'autre ne s'est arrêté, a priori. Personne d'autre s'est arrêté? Bon, j'envoie le signal comme quoi on peut descendre. Ok, ces gars sont déjà sûrement sur place. C'est pas du tout suspect, mais... Vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire, j'ai l'impression d'avoir un peu bugué. Bon, rien de bien extraordinaire, on a juste dit que... A priori, les gars devraient être à l'intérieur. Donc c'est pas GG quoi. Ça n'augure rien de bon. C'est ça. Alors du coup, comment on va procéder? Est-ce qu'on a un moyen de pouvoir jeter un œil avant d'y aller vraiment? Est-ce que l'EMJ est là? J'ai l'impression que oui, je suis là. Pourquoi? D'accord. Non, je sais pas. Ah merde. Non, le MJ nous laisse causer entre nous pour savoir ce qu'on fait. Ouais, je pense que j'ai l'impression qu'il avait bugué, j'étais en mode mais... Et notre MJ? Non, c'est... Non, mais en même temps, le MJ c'est Batman, il s'est effacé. Parce qu'il est actuellement en train de nous faire une filature. Voilà, donc en gros là maintenant, il faudrait savoir si on a un moyen de pouvoir zioter l'intérieur sans se faire griller. voilà, tel l'homme chauve-souris, tu vois. C'est le bâtiment, il y a des fenêtres quand même, c'est complètement Alors, le mur. Sur la façade à laquelle vous avez accès, il y a aucune fenêtre. Et difficile d'avoir une autre façade vu que c'est genre collé à d'autres bâtiments. Autant sur les côtés que derrière. Ouais, donc en gros, c'est un bunker quoi. Le machin, si tu passes par devant, tu passes pas quoi. Un gros bloc de béton avec une porte. Qu'est-ce que vous. J'avoue là, c'est pas simple. Vous avez des idées? Pas trop, je t'avoue. Oh putain, vous pressez pas hein. Non, je t'avoue pas. Moi, je rentre à ma maison et je m'enferme. On pourrait lui téléphoner, se faire passer pour sa petite amie, pour lui demander de descendre. Ça a marché la dernière fois. Ouais, mais là, je pense pas, non. Non, mais je regarde. Tu veux faire la petite amie ou pas? Ouais, c'est William qui va appeler. Ouais, c'est lui. On va faire le témoin de Joe. Oh non. En vrai, je pense que... Je sais pas. En fait, ça pue le piège, mais d'un côté, il faut qu'on prenne le risque, donc je sais pas trop. C'est vrai que finalement, la place, c'était pas si mal. Est-ce qu'elle a... Ouais, mais en fait, je pense que la place, si jamais c'était un piège, encore une fois, bah, il y avait... Ouais, non, les snipers, j'avoue, c'était chaud. Mais est-ce qu'à la limite, on irait pas genre en Redwood, comme ça, on met l'ambiance directe Mais est-ce qu'ils savent que c'est nous, le Redwood? Non, je suis pas sûr. On reste juste de sortir là-dessus, en fait. Ouais, ou surtout, du coup, de balancer nos identités secrètes. Aux autres, potentiellement. Oh. Mais au pire, on réfléchit pas, on y va. Ouais, ou alors on attend qu'ils sortent. Mais non, ah, mais ils nous attendent. Il a dit au plus rapide, donc au pire, au chef, on y va, et puis voilà. Ouais, non, oui. Non, mais en fait, oui, on peut très bien ne pas se prendre la tête et se dire, bon, YOLO. Bon, regardons ce que ça donne. Pourquoi se prendre la tête, en fait? Bon, pour survivre, mais c'est vrai que finalement, ce n'est que détail. Sinon, a priori, ouais, non, ça, ça va pas le faire. Parce que non, en fait, là, en gros, on perd trop de temps. Je pense qu'il faut juste y aller. Et au pire, on est armé, on est sûrement en surnombre. Et si on l'est pas, bah, on est le Red Hood, putain de merde, on va s'en sortir. On a survécu jusqu'à tout, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas Chipolata qui va nous tuer. C'est le champ du signe, vrai... les amis, le champ du signe. En vrai, les gars, c'est peut-être un truc à faire, hein. Si jamais il y a ces gars à lui et qu'on se présente comme étant le Red Hood, on peut peut-être les convaincre de se retourner contre lui. Non, mais arrêtez de vous prendre la tête, on y va. Ouais, bah toi d'abord alors. Si tu veux. Moi, je me mets quand même en mode moi, hein, je tiens à ma vie, j'ai pas envie de crever, donc je veux pas y aller en mode YOLO, c'est la fête du slip. On les met dans un sac à dos, un truc du genre, enfin, c'est bon. Si il reste. Ah non, du coup, vous étiez pas allé chercher les gilets pare-balles. Sinon, j'en prendrais bien. En fait, j'avais dit pour rigoler, venez, on prend quand même les armes, mais en fait, on aurait vraiment dû passer par la cage gilets pare-balles, en fait. On les a pas pris quand vous êtes parti chercher les chiens. Vous n'avez pas pris les gilets. Est-ce que Jess, qui est bardée de chance, elle veut pas faire un jet de chance pour savoir si elle a pensé au gilet? Vous étiez parti récupérer vos affaires, pas en acheter une nouvelle. Ah, non, acheter carrément. Je pensais qu'on en avait. Non, mais je comprends le MJ. D'un côté, je crois pas lui avoir mentionné directement, prenez ça, donc c'est vrai que c'est un peu. Bah, non, mais on fait jamais. Hein. Qui ne tente rien. N'a rien. Mais qui tente tout, n'a pas tout. Après, étant donné que ma voiture est blindée, on peut toujours démonter ma voiture. Les mecs, tu sais, ils sont en mode, on se prend pas la tête. Par contre, on va démonter la voiture au cas où. On est le Red Hood. C'était le mec qui est encastré dans une portière. Et la porte, elle est blindée. Elle est comment, la porte? Tout est blindé. Tu peux littéralement tenir un siège. Non, je parle du bâtiment. Le bâtiment. Tu veux défoncer MJ. La porte à coup de voiture? Bah oui, alors, une voiture bélier, c'est comment l'entrée là? Ça a l'air d'être une porte en ferraille. Je sais pas si tu es fou ou un génie. Non, par contre, pour moi, c'est hors de question de tuer Chipolata sans lui poser des questions. Je veux savoir s'il a trahi ou pas. Je parle juste de faire l'entrée. C'est pas. Je dis pas de tuer Chipolata s'il va pas être derrière la porte. Derrière la porte. Pourquoi on entrerait comme ça? Attends, tu viens. T'as une voiture blindée, tu fonces dans la porte. Mais voilà, déjà tu fais une entrée fracassante. Ça scène un peu le bordel dans le truc. Si tu veux faire encore mieux, tu mets. Je vous rappelle qu'on est censé aller le plus vite possible. Non mais allons-y, c'est bon, on prend trop de temps là. Et Bagdo a raison, allons-y. Merci William. Pour une fois, on fait confiance. Bon bah allons-y alors. C'est vraiment pour faire une fin fracassante. Hein. Quoi? Comment ça une fin? Qu'est-ce que tu racontes, Thompson? T'as trahi, c'est ça? Non, je c'est mon côté un peu défaitiste qui l'emporte parfois. Très bien. Donc vous sortez de vos véhicules, certains plus motivés que d'autres, et vous venez toquer à cette lourde porte de ferraille. En Red Hood ou pas en Red Hood? Non, parce que en vrai, si jamais ils sont pas au courant ou qu'ils nous voient en Red Hood, ils peuvent prendre peur et fuir. Donc, non, mais le Red Hood dans la poche, par contre. Hein. Non, il faut juste qu'ils me tirent dessus. Par contre, du coup, Red Hood dans la poche. Je toque à la porte. Poum, poum, poum. Très bien. Donc, vous toquez à la lourde porte de ferraille. Chipo, vous attendez un petit Chipo, moment. Ouvre, Chipo. Et la porte s'ouvre ensuite. Difficilement. Il y a un type que vous avez pas l'air de spécialement connaître, qui a le regard perçant, qui vous observe de haut en bas, mais qui s'écarte rapidement pour vous laisser entrer. Voilà. Merci. Il est où, Chipo? Faut qu'on se voit tout de suite. Rapidement, il n'a même pas besoin de te répondre que tu entends la voix de Chipo Latas qui dit « Je suis là. Entrez. » Bon alors, c'est quoi ce merdier, là? Qu'est-ce qui s'est passé? En entrant à l'intérieur, vous remarquez que ce bâtiment a l'air d'être une espèce de petite serre privée en pleine ville. C'est-à-dire que vous avez les murs en béton complet, sans aucun truc sur les côtés. Tandis que au-dessus, le plafond a l'air d'être en verre. Ça laisse passer la lumière et il y a quelques plantes par-ci par-là, des plants de plantes exotiques. Et il y a une table au milieu. Une table un peu de jardin, ce genre de choses. Où il y a Chipolatas qui est assis à cette table. Oh, j'aime pas ça. Bon alors dis-moi là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce merdier là? Qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qui a merdé? Qu'est-ce qui a pas merdé surtout? Faites-moi tous un jet d'observation pendant que... Parce que j'imagine que vous rentrez bien dans la pièce pour arriver devant lui, quoi. Oui. Vous lui parlez pas depuis l'entrée. J'ai fait 5. Chiba! Eh, tu m'entends? Ben, j'ai fait 12, donc j'imagine que c'est réussi, je l'ai fait quand même. Observation. Oui, observation. C'est dans la colonne de gauche. Je tiens à dire que moi, je vois même la crotte de nez qu'il vient de mettre sur la table. Hein. J'ai fait 1. T'as fait 1? Oui, j'ai fait 1. Oh punaise. Je vois tout. Tout. Très bien. Donc, pour ceux qui ont réussi, surtout les deux qui font des réussites critiques totales. Merci. Merci. Ça, c'est mes déchets, ça. Vous pouvez observer que dans cette petite serre privée, en plus de Chipolatas, il y a trois gars. Le type qui vous a ouvert compris. Deux d'entre eux ont l'air d'être légèrement armés, c'est-à-dire avec un flingue, on va dire un 9 mm, quelque chose du genre. Mm-hmm. Un autre, par contre, qui a l'air d'avoir de l'arme, de la mitrailleuse lourde. Donc habité en premier. Le genre du truc qui tire et t'as les bras qui partent dans tous les sens quand tu tires. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc ce que je vois, que je suppose que je peux remarquer par exemple que les regards de Jess et de 22 vont aussi vers sa direction. Si je vois que par exemple Pat ou Thompson n'ont pas l'air du tout d'y faire gaffe, je leur donne un petit coup de discret, tu vois, en mode fais gaffe à lui, tu vois. Très bien. Là, d'accord. Ouais, ok. Vous remarquez aussi tous, et c'est peut-être ce qui a attiré l'attention de ceux qui n'étaient pas très attentifs, c'est que Chipolatas a sur sa table lui aussi un flingue. Ouais. Nous aussi on est armés, en même temps là on est dans une rencontre plutôt tendue, je suis pas étonné qu'il soit armé. Mais... Ouais, c'est bien de voir. Pas venir armé, c'est suicidaire. Oui, clairement. Enfin, je veux dire, le mec, ça puerait encore plus le piège, il serait pas armé. et est-ce que eux voient que nous aussi on est armé? Alors, tu peux leur demander. Vite. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on a nos armes visibles? C'est ça que je veux dire. Est-ce que nos armes elles sont visibles? Je pense pas, enfin je pense qu'ils sont juste rangés, mais je pense qu'ils le savent, enfin, ils sont pas cons. Oui, de toute façon, d'accord. Ils ont tous le regard posé sur vous. C'est ça, c'est le premier qui va faire le geste de trop, ça va partir en coup de feu, faut qu'on soit les meilleurs, quoi. Bref. De toute façon, moi personnellement, j'avance d'un pas confiant vers lui en disant, mais voilà, que les questions, genre, mais qu'est-ce qu'il y a, merde, c'est quoi ce merdier, quoi, genre. Sans agressivité, juste... genre, mais... Avant d'enclencher la discussion, Pat et 22, est-ce que vous avez amené chacun vos chiens? Moi, je les miens dans tous les cas. C'est... Non. Toi, tu les as pas amenés? Dans le bâtiment? Ok. Ah, bien évidemment. Ah, c'est interdit aux chiens, ici. Vous avez pas vu le panneau à l'entrée? Pas de chien, pas de nourriture, on court pas. T'as pris tes sacs à crottes? On sait jamais. Non, donc très bien. Donc, Thompson, tu enclenches la discussion en demandant qu'est-ce qui se passe. Et tu vois oui, que... voilà, mais genre sans être agressif, mais genre, j'ai confiance en lui, quoi. Oui, tu vois qu'il est... Chipolatas te regarde avec sa bière morose à la main. Mm-hmm. Il boit une gorgée et il fait... vous voulez vous asseoir ou... Ouais, moi je m'assois. S'il y a une chaise, hein, si on va pas jouer. Oui, bah, moi je vais être plus celui qui est un peu nerveux quand même et qui genre qui veut pas s'asseoir, quoi, pas. Qui est un peu debout. En vrai, Obi, pas Thompson, il faut qu'on donne l'impression d'être dominant. Content d'être invité, genre je m'installe comme si c'était. Moi je reste debout, ouais. Ouais, mais debout, mais genre je peux m'asseoir sur la table, tu vois. Genre en mode. Ouais, voilà. C'est quoi ce bordel? Faut pas que t'as l'air névrosé en mode. Alors. Mais non, oui, clairement, non, faut rester dominant. C'est ça, ouais, il faut montrer qu'on est en confiance. Parce que sinon. On n'est pas Kylo Ren qui s'agenouille pour parler à un prisonnier. Kylo Ren, mais non, mais je suis pas, enfin, pas nerveux dans le sens que j'ai peur, ouais, mais non, que. T'inquiète, c'est juste. J'ai la bougeotte, quoi. Non, je pense pas qu'on puisse en parler maintenant, en vrai. Voilà, mais voilà. D'accord, très bien. Donc, simplement, il vous regarde les uns après les autres, il fait. J'ai de quoi nous faire quitter la ville. Mmh. Ok. C'est comment plutôt une bonne chose. En vie ou. Oui, en ville. En vie. Ah, mais pourquoi t'es pas juste parti toi tout seul? Parce que. Pourquoi penser à nous? Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, tu vois. Ok, on a été dans. Non, clairement, on n'est pas amis et vous me l'avez bien confirmé. Pas de problème, on est là pour ça. Et c'est justement pour ça que je me demande pourquoi j'ai continué après votre coup de parano de la Gotham Plaza. Mais oui, je voulais vous faire partir simplement parce qu'on est dans le même bateau et parce que. Si vous êtes plus sur place, vous pouvez plus me vendre. Te vendre. Ça se tient. Ouais. Et puis peut-être qu'on pourrait remonter un truc ensemble. Donc, et il faut dire aussi que je suis un peu sentimental et vous êtes tout ce qui reste de France des Patries. C'est pas toi qui les a liquidés par hasard. Désolé de poser la question qui fâche. Ouais, mais on peut quand même se poser grandement des questions, vu qu'il a disparu avant leur mort. J'ai aucun rapport avec ça. Et ça me brise le cœur que vous pensiez que j'ai buté Frost et Patrick. Ah, écoute, il y a des traîtres, t'as survécu, donc c'est logique qu'on puisse penser à toi, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils sont morts, ils sont morts. Écoutez, et vous avez survécu vous aussi, et c'est pas pour ça que je pense que vous les avez butés. Eh ben écoute, je suis très honoré. Oui, mais bon, tu nous connais un peu mieux. Tu sais que nous, jamais, on serait capable d'aller buter un frère de la patrie, de la fraternité. Vrai, je pense réellement qu'à ta place, moi, j'aurais des suspicions sur nous, mais c'est très sympathique de nous laisser ce crédit. Est-ce que t'as au moins la moindre idée, genre de qui aurait pu faire ça, tu vois? Ouais, je sais parfaitement qui c'est qui les a butés. Qui ça? Qui? 22, c'est pas bon. C'est une autre équipe de Frost. Quoi? Ouais, une autre équipe. C'était ces hommes de main. A priori, ils ont foiré, ou Frost a foiré. Quelque chose est parti en couille. Ils se sont fait abattre. J'ai disparu à ce moment-là parce que j'étais certain qu'ils avaient des liens avec le pingouin ou quelque chose comme ça. Et que c'était la raison pour laquelle ils s'étaient retournés contre lui. Mais... Ils avaient une autre équipe. Oui, ils avaient une autre équipe. Quand vous êtes devenus les petits chouchous de Frost et Patrick, ils vous ont fait monter dans la hiérarchie, souvenez-vous. Oui, c'est vrai. L'équipe a pu devenir aussi puissante pour tuer Frost et Patrick en si peu de temps? C'est tant qu'on soit au courant. Ils sont pas devenus puissants. Pourquoi? Mais comment? Enfin, je veux dire, c'est... Mais comment ils ont réussi à les buter? Ils ont acheté des explosifs, quoi. Écoutez, j'étais pas sur place. C'est tout, j'étais pas sur place. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais que c'est eux. Et je sais que maintenant, ils sont morts. Bon, tous? On va les voir la venger. A priori, oui. Je veux dire, je suis pas allé sur les lieux pour vérifier. Ah non, ok, mais... donc en gros, là, il y a rien à voir avec les pontes. Les grands chefs, ils sont au courant de rien, là. Ah bah, maintenant, ils sont au courant. Parce que oui. Frost et Patrick sont morts. Il y a des gars qui étaient dans le complot qui ont lâché... Qui ont lâché alors, la... Pourquoi ouais, qui ont lâché, Pourquoi on te recherche, alors? Pourquoi la mafia te recherche? Mais parce qu'il y a des gars dans le complot qui ont parlé. Ils ont entendu que Frost et Patrick étaient morts. Ils ont pensé que qu'ils avaient été découverts. Alors ils ont lâché le morceau, ils ont tout donné, ils ont vendu la mèche. Ils ont tout vendu pour avoir le droit de rester en vie. Ouais. Et ouais, je suis recherché. Vous êtes recherché. Nous ? Ils sont pas très efficaces, hein. Pour le coup. On s'est pas beaucoup caché ces derniers temps. Tuer deux flics, c'est pas très. Ouais. Écoute. C'est. C'est pour ça que je voulais vous retrouver à la base. Pour qu'on puisse quitter la ville ensemble. Parce qu'on est dans le même bateau. Okay. Et a priori, vous voyez pas ça du même œil. Non, mais c'est-à-dire que. On n'a pas. On n'avait pas toutes ces informations. Tu vois. Ouais. Tu vois, ouais, nous, on a juste vu nos chefs mourir comme ça d'un coup. Il y avait toi qui as survécu. On a appris que tu as eu des contacts avec les hommes du Piaf, là. Le... Ah putain. Comment il s'appelle le Piaf Pingouin. Le Pingouin, ouais. Ah non, c'était pas le Piver. Bon, bref. Ouais, tu vois, genre. Nous, c'était ces informations-là qu'on avait, tu vois. On n'avait pas cette vision-là de ce qui se passe. Mais bon, je comprends mieux la prise de contact. Maintenant que tu nous as dit ça, t'as raison. Frost et Patrick auraient voulu que tu restes en vie et qu'on t'aide à t'en sortir. Après, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, se retourner contre ceux qui nous ont. Ceux qui nous cherchent, ouais. Genre montrer notre supériorité et s'imposer dans le game. Enfin, je veux dire, tu es un criminel, toi, t'as travaillé avec Frost, avec Patrick, et tu nous as montré que t'es pas non plus. T'es pas juste l'homme de main qui fait beau, quoi. Tu sais ce que c'est. Et peut-être essayer de rebondir là-dessus, tu vois. Montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on n'est pas des fuyards. Moi, j'ai. Faudrait qu'on monte le groupe, ouais. Bah, faudrait trouver des hommes, des hommes loyaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a assez quand même Les hommes loyaux, ça se trouve. Ouais, il faut les prendre quand ils sont jeunes et qu'ils ont soif de pouvoir. Comme c'était un peu arrivé à nous. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Chipo? Attends. Mais arrête de faire ça. Chipo, attends, arrête de te déconnecter. Ce que j'en pense, c'est que c'est du suicide. C'est du suicide. C'est du suicide. Tu nous penses si faible que ça? Bah, là où il a pas tort, j'avoue, Chipolata, c'est que on a les Chinois, on a les autres de la pègre au cul. Mais alors, je veux dire, on en explose. Ça fait du monde. Je veux dire, putain, on a survécu à toute émission, on a survécu à ce putain de lézard là dans les égouts. C'est pas maintenant pour se marcher dessus. Non? Ouais. Non, dans ce cas-là, si vous voulez faire ça, il va falloir vraiment coordonner, trouver les choses, se planquer, sûr, se faire un peu oublier pendant quelques temps. Dans tous les cas, on va remonter quelque chose, ça c'est sûr. Enfin, dis-moi, Chipo, est-ce que ta planque là, ici, elle est sûre? Est-ce que t'es sûr que personne va te vendre là et qu'on ne soit pas attaqué dans les minutes qui suivent? Ce à quoi Chipolatas répond en prenant l'air le plus sérieux du monde. Je vous assure que ma planque est parfaitement sûre. Et, dans ce cas... Et au moment où il dit ça, non, vous entendez des bruits de freins dans la rue. Putain, au moins 3 véhicules. C'était pas ça? Je crois que quand il a dit ça... Il a gardé la pause où il essayait de vous mettre en confiance sur le fait que cette planque était sûre. Il est resté immobile et il dit « C'est... Oui. » C'était pote ou pas? Chipo! Chipo! Trois! Deux! Écoutez. M'en voulez pas. Je sors mon flingue. Je sors mon flingue et j'allume mes chiens. Ça donc tout. 22, t'es retourné dans l'espace pour moi. Il y a des qui. En gros, attends. Il sort oui, j'ai entendu, mais c'est juste pour le dire qu'il est retourné dans l'espace. Oui, allô. Voilà, c'est mieux. Donc, vous sortez vos flingues et Chipolatas reste toujours immobile à sa table. Je voulais pas faire ça. Ok, mais... t'as vendu. Je tire sur le mec armé à la mitrailleuse. qu'il est. Je saute à la gorge de Chipolatas avec mes mains pour essayer de l'étrangler. J'ordonne à mes chiens d'attaquer le dernier gars. Ok. D'accord, faites tous vos jets. Ok. J'ai le chien pour les jets de tir. et les jets de lutte pour ceux qui luttent. Bon, moi, c'est arme de poing, hein, du coup. Hein, alors, hey, mais mec, je... mes déchils, ils sont tellement bénis, je vais plus jamais jouer avec autre chose. Hein. T'as tiré sur qui là? Sur le mec à mitrailleuse lourde. Donc en gros, c'est une balle en tête et casse-toi. Arrêtez, s'il vous plaît. Là, c'est genre. Sur alors... tous les jeux que j'ai fait avec mes chiens, à chaque fois, c'était des réussites critiques. Non, et attends, c'est tellement beau. Et donc, Jess, en vrai, 22 et moi, on est en synchrone aujourd'hui. Et Jess, ça fait quoi? J'ai sauté à la gorge de Chipolatas. William, déjà, que je. Elle lui a fait un câlin en fait. 22, t'as tiré sur qui toi? Non, mais moi, c'est mes chiens. C'est mes chiens, genre, je les ai envoyés sur le dernier gars. C'est ça, en gros, il lui a dit. Et là, les chiens font. Mais ils sont trois, il en manque un. Il en manque un là. Ils sont oui, trois gardes. Vous pouvez agir quand même, ah. SVP. Bah, mais moi. Le gars, je vais lui mettre une gigantesque droite alors. MJ, est-ce que je peux tirer moi aussi en seconde action? Non, oh, non. Monsieur oui. Le MJ. Oui, allez, vas-y. Je peux? Ok. Mais tu veux tirer sur. Le troisième. Enfin, du coup. Bon, le troisième, en gros, il a juste à lâcher les chiens d'une main et de tirer de l'autre, ça va. D'accord. C'est ça. Moi, je me précipite vers, non, vers c'est l'entrée. Pas possible. C'est pas ouais. Possible. J'ai fait 22. Mais mec, on est tellement bénis pour cette dernière session, on peut pas non, finir. Moi, je me précipite vers l'entrée et j'essaie de voir si je peux voir un visuel vite fait de ce qui arrive sur nous. D'accord, donc pour être sûr que j'ai bien entendu, il y a des chiens qui vont vers un type, un autre qui se fait flinguer et encore un autre qui se fait flinguer. Exactement. Un chien réussite critique qui va. Ouais. Moi aussi, bah, aussi. Il y a trois morts en fait. C'est ça. Il y a trois morts. Il y a trois gardes, trois morts. Il y a trois gardes qui sont morts et il y a un câlin de Jess pour Chipolata. Non. Je lui casse la gueule. Non, tu lui as sauté à la gorge, mais 61 sur 25, c'est un câlin. Ce qui se passe donc, c'est que immédiatement, William, de son flingue, tire sur le celui qui a une arme lourde. Ce qui a l'air de le toucher en pleine tête. Oui. A priori, William s'est bien habitué à améliorer. Son rythme de vie. C'est amélioré. Il s'est bien habitué à ce genre de d'activité. Exactement. Tandis que 22, toi, tu donnes tes ordres à tes chiens d'aller attaquer un type, tandis que de l'autre main, tu tires aussi dans la tête du type en face. Oh, oh le massacre. C'est tellement beau. Et les chiens, ils font quoi? Les deux chiens sautent sur l'autre type. Ils sautent pas à la gorge parce qu'ils arrivent pas à le choper, il fait un mouvement d'évitement. Mais il se fait mettre à terre par les chiens qui commencent à le secouer dans tous les sens. Ah bah ils vont le bouffer, c'est parfait. Tandis que, Thompson, toi, tu vas vers la porte. Tu l'ouvres? J'essaie de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regarder à travers ou je suis obligé de l'ouvrir pour regarder ce qui Non, c'est une bonne grosse porte en ferraille. Ah non, je ne vais pas l'ouvrir. Ce serait dangereux, je pense. J'arrive quand même à entendre... je pourrais entendre quelque chose s'il y a beaucoup d'hommes ou quoi. Ah, ça risque d'être difficile d'entendre parce que là il vient d'avoir trois grands coups dans une zone bien fermée. Oui, c'est vrai. J'avoue. Ouais, bah sinon j'essaye de voir un peu les possibilités qu'il y a dans la. Il y a qu'une seule sortie? Ouais, il y a qu'une seule sortie. C'est devant, ok. Bah. Je mets mon masque de Redwood. D'accord, très bien. Autre sort être classe. Pendant ce temps, du coup, de manière, enfin, au même moment que vous étiez en train de flinguer les types, Jess, tu t'es jeté sur Chipolatas dans l'idée de l'étrangler, de venger la mort de tes patrons et la mort de ton avenir. Malheureusement, Chipolatas a des réflexes et Chipolatas a saisi la bière morose. Ah. Et Chipolatas t'a fait manger la bouteille. Oh. Et répétez donc. Ce qui fait que... Enculé de Mexicain. Ce qui fait que du coup, tu, dans ton seau, en fait, t'as juste fini à côté de lui avec des éclats de verre sur le côté droit du visage. Oh merde. Tiens, ok, j'essaie de choper sa main, genre lui planter mes ongles pour lui faire lâcher la bouteille, le tesson, et le frapper avec. D'accord, je vais te demander un jet de lutte encore une fois. Allez. Oh, sinon, Pat n'a pas encore agi, donc... Pat, si tu veux agir, dis-le moi, bien sûr. Est-ce que je peux essayer de trouver une issue de secours? No joke! No fucking joke! Oui! Yes! Non! Mais c'est tellement épique! Non mais... Pat, fais-moi un jet d'observation. Mais pendant ce temps... Oui, yes! J'ai fait un putain de 1! No fucking joke! Jess, tu saisis sa main avec tes ongles, tu lui fais lâcher le tesson de bouteille, tire d'un coup sur ton bras, il tombe à côté de toi, quand il perd l'équilibre sous le coup sur le fait que tu tires sur lui, et tu entends distinctement au bruit qui les tessons de verre que toi tu n'avais pas sur le visage, il vient d'atterrir lui son visage dessus. Oh. Attends, j'ai pas bien compris. Tu lui as fait atterrir le visage sur les questions de bouteille que toi tu n'avais pas sur le visage. Ok, bah je le chope par les cheveux, je le relève un peu, puis je le rééclate une deuxième fois dedans. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en meure. Pendant ce temps, du côté des chiens de 22. T'as buté Patrick, fils de pute. Du côté des chiens de 22, un chien vient de saisir le type à la gorge, commence à lui arracher. Il commence à le bouffer, j'imagine, en même temps. Complètement à bien l'arracher. Malheureusement, un coup de feu résonne. Non. Oh non. T'as pas fait ça, t'as pas le droit. Et il y a le hurlement de douleur d'un des chiens. Non. L'espèce de... Enfin, le cri que font les chiens quand ils ont extrêmement mal. Il est en train de se recroqueviller sur lui-même, un des deux chiens. Tandis que l'autre continue à lui déchirer la gorge. Tu pourras le torturer. Genre de manière infinie. Le chien et tu oui, il a tué un chien. Et moi, je gueule hein, entre-temps, je gueule à William. William, regarde s'il n'y a pas un truc pour monter sur le toit. Vite. Pendant ce temps, Pat... Je suis plus d'un chien, d'un flic. Ah oui, Pat, toi, tu as raté ton jet, c'est ça? Oui. Ouais, tu as raté ton jet. Je peux mettre une patate à quelqu'un. Il reste Chipolatas qui est par terre avec Jess qui continue à s'acharner dessus. Je le massacre. Mais il y a personne à taper, tout le monde est mort. Bah il y a d'autres gens qui vont arriver de toute façon. Non, j'ai William. Regarde s'il n'y a pas une issue pour aller sur le toit. Du coup, j'aimerais faire un test d'observation pour voir si je trouve un accès au. Du coup. Eh bien, fais-le toi aussi et Pat, je te donne le droit de refaire un jet d'observation en coop avec lui. Allez, vas-y. En vrai, je suis en train de dire. En fait, si ce n'est pas sur le toit, c'est minimum. Moi, je regardais pour accéder à la serre en verre, parce qu'on pourrait se cacher au niveau des quelques plantes, tu vois. Il y a moyen qu'on puisse. La sortie ou quelque chose. Enfin, quelque chose qui puisse nous permettre de vivre. Quoi. Bien joué, Pat. À toi, là. Fais-nous un 1 là, avec ton dé magique, là. Allez, il faut pas oublier que les dés de fil, c'est soit je fais une réussite critique, soit un échec critique. Hein, Et ça passe, je crois. J'ai combien? Oh, ça passe. C'est pas critique, mais ça marche. De mon côté, est-ce que j'ai massacré Chipolatas ou il faut encore que je fasse un objet après le 1 ? Fais-moi encore un petit jet et décris-moi ce que tu y fais. Oh putain, mais je lui mets le doigt dans l'œil, je lui arrache l'œil. je le massacre. 22 ! Putain ! Non mais sincèrement, c'est mythique là. C'est une réussite critique, c'est symbolique, ça. Le 22 pour un jet de massacre. Et en plus, du coup, ça passe. En dehors du fait que ce soit 22, j'ai pas de ça. À minuit 2. Ah ouais, ça. Il y a des symboles tellement hauts. Tu t'acharnes sur Chipolata, tu lui secoues, tu lui éclates la tête sur le crâne. Bon, enfin, j'arrête continuellement quand même. Oui, bien sûr. Genre, tu fais en sorte qu'il quitte ce monde dans la violence la plus totale. Exactement. Tu lui fais bien bouffer les tessons de verre qu'il y a par terre. Sa putain de morose de merde. Et au bout d'un moment, il arrête de se débattre. Ok, je lui prends son téléphone, je regarde le dernier texto qu'il a envoyé. Un éclair de lucidité dans sa folie. Tu vois que le dernier message qu'il a envoyé, tout simplement, c'est « Ils sont là ». Et c'est un message envoyé à un type dont tu n'as tu ne connais absolument pas. Enfin, que tu ne connais absolument pas. Ok, je prends une photo de Chipolatas avec son propre téléphone. Non, mais au pire, sortant du téléphone, sortant du téléphone pour dire autre chose. Ouais, genre en mode rentrez pas ou un truc comme ça, tu peux. Ils ont piégé la porte. Ouais, non, c'est super bien ça. Genre, ils ont piégé la porte, je suis en otage. Allez, j'envoie ça. Mais je l'ai quand même pris en photo avec son téléphone. J'ai fait un petit selfie avec. Genre, écris-le en mode SMS vraiment rapide. Tu vois, oui, tu oui, peux sentir que le mec il est pressé. Genre, piégé, porte piégée. Porte piégée. Très bien. Pendant que t'envoies ça, William et Pat, vous remarquez très rapidement que dans le toit en verre. que dans le toit en verre de cette serre. C'est un toit en verre divisé en plusieurs carreaux, on va dire, des gros carreaux. Et un de ces carreaux, disons, a l'air d'être alors je n'ai pas le terme, mais la trappe qui peut s'ouvrir. Oui, les vérandas, quoi, pour. Oui, voilà. Qui peut s'ouvrir. Je regarde pas ton mode. Le Velux, quoi. C'est un Velux, un peu, comme ouais. Un Velux. On va dire ça, oui. Batman, tu peux intervenir ? Du coup. Batman intervient. Non. Du coup, il y a un accès. Alors, oui, tu peux intervenir si tu le veux, 22. Ok. Vous voyez mon personnage déjà se stopper pendant peut-être une minute, genre sans rien faire. Tu reconnais plus ou moins ça, Paul Edward. C'est ce qui s'était passé dans la camionnette quand je suis sorti. Ouais, je dis oh là putain. Sauf que t'as l'impression que c'est genre décuplé par 10. Et vous me voyez. Attention les gars! Avec la machette et le commencer à le découper et le mordre au cou. Je pense que je m'y attendais. La même moi, je suis pas choqué, je suis en mode bois. Normal. Non, c'est en mode bois, il a cherché là. C'est... Bon, après ce qu'il a vécu dans les égouts, tu sais, il peut tout vivre maintenant. Oui, non, mais maintenant que Croc m'a nommé nourriture officielle, je. Pff, ça va. D'accord, bon, est-ce qu'on peut monter? William, est-ce qu'on peut monter? Ouais, il y a une véranda, on peut s'en sortir. Moi je regarde ça, et je regarde William avec un air désespéré en mode, il me dégoûte. Les gars, on dégage, on peut pas sortir par l'avant, ils sont trop nombreux, on fout le camp. En vrai, les gars, est-ce que je leur envoie pas, il y a Batman. Mais non. Par texto. C'est un mythe. Tu viens m'envoyer qu'on a pris un otage, est-ce que tu crois que ça fait pas un peu trop? Il y a Batman. Restons sur Terre. T'as envoyé porte piégée et on se barre. Allez hop. On se barre par où? Par le toit. Oui, par la véranda. Enfin, la véranda. Est-ce que quelqu'un a des explosifs à limite, on pourrait faire péter le truc, nous on attend sur le toit. Est-ce qu'on en avait déjà dans ce que vous avez récupéré? Mais genre de manière faire une petite explosion pour faire genre on détruit les corps etc. Et nous on attend sur le toit et les mecs ils pourront peut-être pas reconnaître les corps et se dire que c'est nous qui sommes morts quoi. Enfin peut-être pas à ce point là ou alors qu'on a fui mais en tout cas qu'ils nous voient pas sur le toit. Pendant que vous essayez très rapidement de vous mettre au point. Et que 22 est en train de déchiqueter la gorge du type avec son chien. De la même manière que le chien le fait. Vous entendez et vous voyez très rapidement qu'on vient de jeter ce qui semble être un cocktail Molotov par-dessus le bâtiment sur le toit en verre. Putain! Et a priori, ce n'est pas le premier. Il y en a d'autres qui commencent à être lancés. Ok, il faut trouver une sortie. Mais c'est la seule, il y a que ça. Ou alors faut affronter les flammes. C'est soit on essaie de trouver une sortie genre sous-sol et une porte arrière ou soit on affronte les flammes. Mais de toute façon là vous avez fait un jet que pour le toit ou c'était pour l'ensemble du. Alors, t'as demandé une sortie, j'ai demandé que pour le toit. Et la réussite de Pat, c'était pour quoi? Pour le toit aussi? Oui. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose qui fait boum les gens? Non, là ils sont bombardés, ça serait bien. Alors dans ce cas-là, faites un jet. Regardez si vous voulez. Monsieur l'AMJ, j'aimerais vérifier s'il n'y a pas, genre, quoi que ce soit qui puisse nous permettre de sortir, même genre, un trou qu'il faudrait défoncer à coup d'explosif et qu'on fasse le tour, enfin, genre, n'importe quoi. Je peux lancer avec eux parce que là, clairement, de toute façon, l'entrée, je sers à rien, moi. Je vais pas faire le jet, moi, évidemment. Mais en gros, je me suis plus ou moins arrêté, même si je reste plus. Oh putain, bah j'ai bien fait de le faire. Et mon chien, je sais pas s'il est mort d'ailleurs, je l'ai dans mes bras et l'autre me suce. Et je sais pas où aller, je suis totalement perdu. Ouais, de toute façon, c'est prévu, lui, il va falloir qu'on traîne. Bien, vous cherchez, mais a priori, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres sorties que soit la porte d'entrée, même pas une brèche. soit la véranda, on va l'appeler comme ça. Et est-ce que avec le 4 que j'ai fait, est-ce que je peux savoir s'il y a moyen quand même de passer malgré les flammes? En étant un peu protégé, quoi, en se mettant... Il y a moyen, mais il va falloir se dépêcher parce que ça continue à balancer des coquettes. Les gars, ce qu'on fait, on met tous nos tenues de Redwood, elles sont en cuir, ça devrait passer le temps qu'on puisse sauter sur le toit. Dépêchons-nous. Okay. Allez, je dépêche l'habille en cuir, je chope 22 et je mets... Mets ta tenue de Redwood. Et le chien, je fais comment? Je vais le porter, l'autre chien, on s'en fout. Exactement, t'inquiète pas, Pat va porter le chien blessé et emmène le chien vivant avec toi. Ok, merci. Sinon tu prends un blouson en cuir des autres gars qui sont par terre. Et tu l'enroules dedans. On a pas beaucoup de temps, allez. Allez vite. J'ai ma tenue. Donc on s'habille et on grimpe quoi. Et on court. Vous s'habillez en vitesse, tandis qu'il y a une véritable pluie de feu. Et que il y a plusieurs cocktails qui ont commencé à briser les vitres, les flammes commencent à même tomber à l'intérieur et à se répandre parmi les plantes. Ouais. J'ai enroulé un chien dans la veste. S'il vous plaît, un jet sur 20 de chance. Oh merde, oh non, non. Ça fait... oh. Un. Oh. Oh. Oh punaise. Oh les gars, le retour. Non! Ah non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! S'il vous plaît, MJ, soyez clément pour leur âme. En plus, Pat, il tient le chat. Mais oui, Pat, je... Oh non, mais 22, là, il va te... Oh, si jamais tu meurs, son chien brûle à cause de toi, mais oh putain. Jess et William, vous passez à travers la véranda. Vous évitez les flammes. Vous évitez les flammes et suivi de Thompson qui commence à prendre feu dans la traversée. Non. Mais il tombe pas au sol. Il a pris feu. Il avance. L'adrénaline lui permet de continuer à courir. Même chose pour Pat. Même si Pat prend clairement Pat est une torche humaine. Il court à toute vitesse. Bah après, faut compter sur le cuir de ce jeune bonne qualité. Et moi. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose? Il y a aussi du cuir qui fusionne avec la peau. Hein. Oui, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Je veux me vider une bière sur la tête, du coup. Quoi? Je veux me vider une bière dessus pour m'éteindre. Mais c'est con. C'est du cocktail Molotov, ça va pas de vous. Mais la bière, ça éteint le feu. Mais oui, mais pas un cocktail Molotov. Oui, mais pas ce point. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait. Le seul truc qui peut nous sauver, c'est de se rouler par terre. Mais tout à fait, de toute façon, t'es pas en fait. Il y a de la neige. Et ouais, c'est vrai, il y a de la neige. En gros, là, je pourrais sauter. Il y a de la neige! Non, mais je me dirige le plus rapidement possible si une fois qu'on est devant toi, dans la neige. J'ai fait un et t'as rien dit. Je reviens. 22, t'as réussi à passer toi aussi. J'étais juste. Du coup, monsieur le MJ, je suis en feu, mais si je suis passé, j'essaie de trouver un endroit où il y a de la neige direct pour me rouler dedans. Très bien. Donc vous passez tous. Thompson et Pat sont en flammes. Vous roulez dans la neige. Sûrement que Jess et William et 22. Bon, peut-être pas 22 parce qu'il est un peu ailleurs. Il nous aide, il nous balance William, de la neige. Frappe un peu, vous tape un peu dessus, vous balance de la neige sur la gueule. Clairement, je prends le chien, je le recouvre de neige. Genre. J'essaie de jeter un coup d'œil pour voir le nombre d'ennemis qu'il y a. Il y a un peu là, de toute façon, là, les ennemis, ils sont dehors, hein. Ils sont pas sur les toits, ils ont balancé. Faites des G. J'ai de quoi? Faites des jets de premiers soins ou de médecine, je sais pas comment j'ai appelé ça. Pour voir s'il y a des ennemis? Oula. Non, pas pour ça. Pour nous soigner, nous. Un jet de médecine pour voir s'il y a des ennemis. Alors, en plus, Jess, elle est bonne en médecine. Ils sont en blouse blanche derrière la neige pour se cacher, mais je les reconnais. Putain, un jet raté au mauvais moment. Mais tout le monde fait un jet de premier secours ? Bah, ceux qui sont pas brûlés. Ceux qui aident les gens brûlés. Ah, non, pas moi. Ah, ah si, j'ai quand même aidé Thompson, le pauvre. Non, juste derrière moi. Toi, t'étais avec le chien, donc t'es encore derrière, malheureusement. Y'a le chien, en fait, qui est en danger. 82, de toute façon, ça change rien. On est nuls. On peut pas se soigner nous-mêmes. Sato ? Oui ? Étant donné que le chien est en danger, est-ce que tu considères que je vais des pattes ? Je considère que tu peux essayer, si tu le souhaites. Ok. Ouais, enfin, c'est-à-dire que comme le chien, ouais, il... Tu vois, étant donné que je suis en danger, est-ce que tu considères que je peux m'aider moi-même ? Ok. 21 sur 25. Très bien. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Vous vous recouvrez de neige les uns les autres. Vous essayez de vérifier si vous n'êtes pas trop blessé. Clairement, pour Thompson et Pat, la situation est bien douloureuse et ce sera aussi, s'il reste en vie sur le long terme, très difficile de retirer ses boulons. Oui, ça va piquer, quoi, quand il va falloir le faire. Ça va bien piquer. Vous êtes, grâce à l'adrénaline, vous êtes toujours sur pied, vous pouvez bouger. Mais vous savez que dès que l'adrénaline redescendra, ça risque de très mal se passer. C'est pas grave, je m'achèterai une pièce et je la griffounerai d'un côté. Pour ce qui est du reste de la fuite, vous avez le moyen de passer par-dessus le bâtiment à l'arrière pour éviter de se retrouver face aux types qui attendent devant. Voilà, de toute façon, clairement, là, la première des choses, c'est juste se barrer. Et le reste, on verra. Tant qu'on n'est pas mort, c'est que tout va bien. Allez, on file ! Putain, l'optimiste. Ah oui, j'ai envie de, j'ai pas envie de crever. Attends, j'ai mort. Depuis son mort, j'ai réussi tous mes jets. C'est ça, donc vous enfilez tous. Vous arrivez à aller au véhicule que vous aviez placé un peu plus loin. Donc pas celui de... Non, pas le mien. De Jess et tout ça. De la camionnette ? Oui, de la camionnette. Vous arrivez à rentrer dans la camionnette et vous partez le plus vite possible pour vous éloigner. Quelle est la suite de votre projet ? Qu'est-ce que vous voulez faire immédiatement ? Okay, sauver nos amis ! Hôpital vétérinaire. Voilà. J'ai une planque si vous voulez. J'ai un pote qui pourrait nous soigner. Je crois pas que ce soit très loin. Hôpital vétérinaire. Voilà. Moi, on me pose devant un vétérinaire. Non, je suis ensemble, tu vas me dire. De toute façon, là, je pense honnêtement que autant moi comme Pat, on peut pas trop discuter. Là on est en mode ça redescend, on est plus en train de faire. Alors, MJ, je pense ensemble puisque j'ai la tenue Redwood. Donc, voilà. Oui, là, t'as la tenue Redwood. Je m'essuie les dents, la bouche, et voilà. Très bien. Oh putain, enlevez-moi ce masque, putain de merde. Attends, je. Oh, putain. Le problème, c'est que ça risque de te faire un trauma, en fait, selon mes... Putain, soit ils devront l'enlever quand même. Putain. Bon, bah... Les gars, on essaie de l'enlever ou pas? Non, on n'a pas le temps. Et le problème, c'est que c'est un masque connu, enfin, genre, à l'hôpital... Il faut m'emmener chez Larry, c'est le seul qui peut m'aider. Je sors, est-ce que j'ai pas un couteau sur moi, un truc? Non, mais toi, conduis, mais 22 et moi, on peut... Okay. Bah, faites-le, alors. Ok. Dans ce cas-là, monsieur l'MJ, oui, on veut tenter d'essayer de lui enlever son masque. Faites-lui mordre un truc, par contre, parce que sinon ça va être... Mais je peux pas mordre, j'ai le masque, nous couillons. Très bien, donc vous essayez de lui retirer le masque. Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Vous y arrivez plus ou moins, vous voyez que ça va pas très bien et peut-être que vous auriez pas dû, mais vous y arrivez sans lui arracher la peau du visage. Ah putain. Après, il risque juste de mourir d'un AVC, mais bon, ça va. Est-ce que vous prêtez attention au dire de Pat ou est-ce que vous allez vraiment à l'hôpital? Bah, je sais pas, d'un côté, son contact peut être intéressant, mais de l'autre, je sais pas, je suis totalement paniqué donc. Les gars, je pense qu'il... confiance en lui. Il faut suivre Pat. Non, mais là, il nous faut des chirurgiens. Il a déjà soigné des vétérans. S'ils ont des indices, on va vite nous retrouver, les gars. Où est l'adresse ? C'est vraiment mon contact de dernier recours. 230 avenue Grundy. Alors, pour information, si on passe devant un vétérinaire, vous me lâchez, et puis voilà, par contre. Oh ouais, t'inquiète. L'adresse, Pat. Tout. 230 avenue Grundy. Ok. Va, Jess, conduis là-bas. Essaie de passer devant un vétérinaire, c'est possible, ça peut. Très bien. Donc vous... Passez-moi mon téléphone. Je peux pas téléphoner. Il a encore son casque sur la tête, lui. Oui, lui, il a toujours son casque. Mais, mais bref, donc vous passez le téléphone, un téléphone à Badge, j'imagine. Tandis que Jess, tu vas me faire des jets de conduite, s'il vous plaît. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Très bien. Est-ce que je peux l'aider à genre devant des routes? Tu peux faire un jet de coopération, mais ça ne fera qu'un bonus. Ce sera pas en addition. Ok. Donc un jet de conduite aussi. On va dire oui. Ok, j'ai 60. Oh. Accident de la route, c'est la fin. 99. 96. Non, non. Tu peux pas. J'ai 75 en conduite. Non. J'ai fait ça, mais est-ce que ça peut aider? Ça peut aider. Ça restera un échec, mais bah, du coup, Jess, t'es complètement paniqué. T'es dans, tu sais pas quoi faire. T'essayes de trouver les rues. 22 te donne des conseils, mais la moitié des conseils, soit tu les entends pas, soit tu les as en retard. Enfin, ou en tout cas, toi, tu les comprends en retard. Tu fais des espèces de dérapages. Fais gaffe, ça fait mal. Avec l'arrière du véhicule qui tape sur les coins des rues à chaque fois que tu fais des dérapages. T'as des moments où t'as une espèce de poubelle qui s'est retrouvée sur le pare-brise et tu voyais pas du tout où t'allais. Tu penses que t'as dû faire quelques victimes parmi les piétons aussi. Tu vas à toute vitesse, tu peux pas ralentir. T'es incapable de soulever ton pied. Et pourtant, il y en a certains peut-être qui souhaiteraient peut-être que tu saches un peu mieux. Oh putain! Quel con! Est-ce que je peux tenter de prendre le contrôle de la voiture? Tu peux essayer. Fais-moi un jet de conduite, t'auras un petit malus parce que du coup, Jess s'y attend pas, donc elle va avoir une espèce de réaction. Okay. Qui accroche au volant, quoi. Genre, c'est... Surtout sous l'effet de stress le plus total. Oh putain, yes, 48. Surtout, t'entends des gars gueuler derrière en mode c'est agonie. Moi, c'est la véritable panique totale dans le véhicule. Chaos total. Du coup, 22, tu saisis le volant, tu t'obliges, Jess, à tourner dans le sens où tu veux. Tu arrives à aller là où tu veux aller, Jess, tu te reprends un peu et tu laisses un peu 22 gérer le truc pour le moment. En tout cas, le temps que tu reprennes bien tes esprits. Et vous arrivez, après un moment, vous sortez de l'endroit. Je peux vous dire très clairement que l'état de Pat et Thompson a l'air de s'être aggravé pendant le voyage. C'est quoi? Ton chien blessé a l'air... C'est un husky. Ouais, c'est un husky. Ton chien blessé a l'air... mort. Quoi? Ton chien est mort. Donc je sais pas encore, donc ça va. Mais oui, il a l'air mort. On va dire qu'il a l'air mort. Donc tu as encore espoir. Pendant ce temps, Thompson et Pat, leur attaque c'est pas mal aggravé. Autant à cause des secousses que de la baisse de l'adrénaline qui commence à avoir lieu. William, t'as été vachement sonné. Tu t'es pris un coup à la portière, un truc comme ça pendant le voyage. Ah oui, bon, de toute façon, moi j'essaie de gérer les deux et du coup, dès que ça freine, je pousse. C'est ça. 22 et Jess, vous êtes les deux en état plus ou moins acceptable, même si 22 est sous un espèce d'état de choc total par rapport à son chien. Vous arrivez sur les lieux, à l'adresse, qui a l'air d'être un espèce de HLM ou quelque chose comme ça. Vous sortez du véhicule en vitesse, j'imagine? Oui, mais pas moi, je reste dans le véhicule. D'accord. T'as, moi, dès qu'il me manipule, je gueule comme un ouf, parce que là, c'est certain. Vous commencez à tous sortir du véhicule, mis à part 22. Qui porte qui porte quoi? Attends. Je porte le plus léger. Ouais, je prends... Non, limite, moi, je vais ouvrir la porte. Mais je peux pas... Non, mais William, il peut pas soutenir les deux, on est... Mais il y a que William pour deux? Bah oui. Bah oui, l'autre... Je porte le plus léger des deux. Ouais, porte le plus léger, je porte le plus lourd. C'est logique, mais... Bah après je sais pas qui est le plus léger, qui est le plus lourd, on est fin tous les deux donc c'est kiff kiff hein. Attends, bah du coup Alors tu dis on est fin mais moi je suis quand même un sacré bout de viande en principe hein. Ah oui t'es, okay. T'es un boxeur toi, bon bah... Prends Thompson, fais gaffe, je prends Pat. Ok je prends Thompson. D'accord, très bien. Faites-moi tous les deux s'il vous plaît un jet de force. C'est sur 20 ça. Oui, c'est sûr. Ça va aller un peu mieux, ça. Alors, oh, putain, vous allez vers les portées de toute manière, mais... Elle va me faire disons, tomber c'est... par terre. Elle a fait 11. J'ai 7. Ouais, bon, en gros, vous mettez du temps, quoi. Vous mettez plus de temps que... Je vais mettre un air le plus proche, moi. D'accord, donc vous essayez de les porter. Finalement, je te le rends, attrape. Jess et William, vous arrivez à les porter, mais vous êtes complètement sous leur poids. Quoi. Vos mouvements sont clairement pas libres. J'ai enlevé le masuré de Oudin, juste. Ouais. Vous ne pouvez clairement rien faire si ce n'est les porter. Mm. Et pendant ce temps, 22, tu démarres pour partir ? Oui, je démarre pour partir. Genre, je suis dans 22, tu, dès qu'ils ont quitté le véhicule, tu te casses pour trouver un vétérinaire, sauver ton chien. C'est ça. Tu pars à toute vitesse, et tandis que tu t'enfuis donc... Enfin que tu t'enfuis, c'est pas une fuite, c'est pas une fuite, hein. Non, tandis que tu pars sauver ton chien, vous deux, vous arrivez. Vous êtes limite à l'entrée du bâtiment, quand des vannes qui étaient pas loin, garées, plusieurs agents de police en sortent. Oh. Et vous mettre en jeu. Hein ? Oh merde. Il vous hurle tout simplement de rester immobile, de lâcher, enfin de poser vos compagnons à terre et de mettre les mains derrière la tête. Bah je pose les compagnons. Larry ! Je gueule, hein. Vous vous obtempérez ? Ouais. Bah, de toute façon, nous on peut rien. Ah, ils doivent être une bonne vingtaine. À quelle distance ? Proche d'un... Ouais, on n'a pas de véhicule, c'est mort, on est fini. Mais on peut... Enfin, est-ce que je suis proche d'une ruelle, d'une porte, d'une fenêtre, ou quoi que ce soit ? Non, clairement, vous êtes dans l'entrée du bâtiment. Non, en même temps, nous, on peut rien faire, honnêtement, on n'est pas en état de faire quoi que ce soit. Et eux, ils sont à l'extérieur ? Attends, quoi ? Si on est dedans. Non, vous êtes à l'entrée du bâtiment. Vous avez, ouais, on n'a pas franchi la porte en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, on pourrait courir de manière théorique à l'intérieur. Mais sans nous. Si tu veux, oui. Mais sans eux. Ça c'est clair. Oui, ça par contre, oui. Hein. De toute façon, on les pose, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, ils sont finis. Bah, du coup, pendant que je commence à lever les bras, je questionne Jest en mode on fuit ou pas ? Au pire, sinon on rattrape, on va en tôle. Si on se rend, on va en tôle. C'est tentable. Prête ? 3. 2, 1, je jette Thompson au sol et je me barre. Ah moi j'avais posé Pat un peu plus doucement, mais une fois qu'elle court, je cavale avec elle et on va essayer de traverser les ouais, bâtiments. Ok, on rentre dans le bâtiment, putain, non, c'est pas le moment de se faire choper là. Moi je m'écroule et je crie comme un ouf et je me roule par terre. En vrai, si, avec un peu de chance, ils vont essayer de sauver les blessés en priorité. Alors, de toute façon, c'est soit on trouve une fenêtre et on saute dedans pour essayer de traverser la rue, ou soit on va sur le toit et on essaie de traverser le toit. Hein. Ouais, j'ai pris le sautage, je sais pas. Et non, je crie ouais. Sale pute. Alors, je vais vous demander aux deux fuyards. Non, toi, tu es parti en véhicule. De me faire un jet de. Je n'ai pas de. Oh. J'envoie. J'essaie de téléphoner à la 22. Ça va être chaud, ça. D'abord, je vais vous deux vous demander un jet de dextérité, c'est sur 20. Dextérité ? Oh, t'as combien de chance, toi, Maxime ? Enfin, j'ai, en gros, j'ai une chance sur 2, j'ai 11. J'ai 13, moi. 2 ! 2 sur 13. Putain, c'est réussi de fin de scénario, quoi. Très bien. Vous courez donc à toute vitesse, vous vous engouffrez dans le bâtiment, vous entendez qu'il y a des tirs qui sont tirés. Incroyable. Mais c'est génial. C'est incroyable. Vous entendez des tirs, vous vous arrivez dans la cage d'escalier de ce HLM, vous montez, j'imagine ? Oui. Ouais, même si c'est pas forcément le Oui, bah, c'est-à-dire que soit on va essayer de défoncer un appart et essayer de sauter par la fenêtre, donc pas trop, pour aller à l'extérieur du côté où il n'y a pas les flics, ou soit on va sur le toit et on saute... Est-ce qu'il y a une rivière, quelque chose comme ça, pas loin ? Non. Putain. Par contre, est-ce que du coup, on sait que si le bâtiment, niveau, tu sais, sur la map ou quoi, qu'on y est allé, peut-être que Jess a vu l'info, peut-être pas moi, mais est-ce que le bâtiment a l'air, tu sais, dans un quartier plutôt fermé et du coup, bah, il risque pas d'avoir de fenêtre du côté des apparts, mais ça serait très bizarre. Ou est-ce qu'on sait que si on peut rentrer par exemple au deuxième étage et sauter ? C'est possible de faire ça en effet. Jess, on tente la fenêtre ? Ouais. Ok. Bah, on va défoncer une porte au pif et. Est-ce que si jamais dans l'un des couloirs, genre tu sais, j'en sais rien, un mec qui déménage un meuble dans le couloir pour déposer les casiers, pour déposer les lettres, n'importe quoi, si jamais je le crois, je le fais tomber. Genre dans les escaliers, je m'en fous. Oui, d'accord, très bien. Donc vous montez l'escalier, vous partez pour traverser le couloir. Malheureusement, vous arrivez en face de 5 flics qui ont leur arme pointée sur vous. Là c'est le moment où tu fais demi-tour et que tu sautes par-dessus la rambarde. Ouais, bon bah dans ce cas, je fais comme lui. D'accord, donc vous je tire une fois et le temps qui saute et je saute après lui. Ok, attendez 2 minutes, j'ai mes dés qui sont partis par terre. Ouais. Voilà. C'est forcément visé clairement un flic, mais c'est juste pour leur faire peur. D'accord, donc vous jetez par-dessus la rambarde, donc de juste d'à peine un étage quoi. Le MJ il peut pas nous laisser sortir. Vous sautez d'un étage par vous arrivez en bas au sol, vous faites bien mal, surtout William, toi qui t'es déjà sonné, tu gères mal la réception. Et malheureusement, les autres flics qui vous couraient après vous réceptionnent. Enfin, ils vous attrapent pas, mais ils arrivent. Dans les bras et, vous êtes clairement attrapé. Prends-moi un otage. Est-ce que on peut faire une dernière action, genre avant qu'il nous... Prends-moi un otage, putain. Alors, attends, j'hésite à faire un truc. C'est là, on est d'accord, ils sont sur le point de nous attraper. Oui, là on a... si jamais t'as une botte secrète, genre tu peux activer, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai une botte secrète, mais elle va pas te sauver. Mais... J'appuie sur sa botte et il y a un jetpack qui sort. C'est-à-dire que bah je prends mon flingue et je me tue. D'accord. Très bien, donc... Prends-moi en otage! Vite! Donc tu vois, Jess, tu hurles à William de prendre en otage, tu vois que William sort son flingue. Ah putain, enfin! Vous avez une possibilité, vous avez quelqu'un pour sortir de là. Car en effet, William se tire une balle. Ok, je ramasse son flingue et je le prends en otage. je mets son flingue encore MJ. Ensanglanté contre ma tempe. MJ? Oui. Je demande un jet pour le tir de William. Est-ce que son arme va marcher ? Est-ce qu'il arrive à se viser ? Non. William arrive à se tirer dans la tête, mais je vais quand même demander un jet de tir à William. Ok. Échec critique, il rate. Ça ricoche sur un flic et tu peux fuir, Jess. Non, ça ricoche sur un flic qui ça tue tous les flics. Ton arme s'enraye. Crac. En vrai, c'est l'arme sans ça met plus de balles. Dans tous les cas, il arrive à se tirer dessus. Enfin, il arrive à se tirer dessus. Pour savoir, est-ce que. Parce que, en fait, quand tu te suicides, tu peux avoir un dernier sursaut. Et du coup, la balle part de travers et tu ne meurs pas, mais tu finis handicapé à vie. Et voilà. Non, mais c'est non, mais rigolez pas, il y a plein de cas qui finissent comme ça, c'est pas drôle. Hein, des gens sont... C'est pas drôle, mais est-ce que ça peut arriver, s'il vous plaît? Ok. C'est pas drôle, mais est-ce que ça peut arriver, s'il vous plaît? Bon bah voilà. Oui, donc William s'étale au sol. Jess, tu te jettes sur le flingue pour essayer de te prendre en otage. Malheureusement. Je te jure, si tu me demandes de faire un jet de réflexe, je fais un jet de réflexe. Tu fais un jet de réflexe, enfin, ça existe pas un jet de réflexe, mais fais un jet de... De quelque chose. De dextérité, c'est sur 20, vas-y. Le mec qui sort un truc de dégénisme. Allez, je fais un gel. 10 sur 13, ça passe. Très bien. Donc tu saisis le flingue rapidement pour te Approchez plus. Approchez plus, je me tue. Malheureusement, ton geste n'est pas pris de la manière dont tu l'aurais espéré. Ah non. Tu viens de saisir un flingue et tu te fais cribler de balles. Ainsi, plusieurs mois plus tard. Et moi, moi, non. Ainsi, oui. Alors, plusieurs, il reste mois, plus, écoute, plusieurs écoute. Mois, plusieurs mois plus tard, Thompson, qui a été sauvé in extremis en étant amené à l'hôpital, doit faire face à son jugement et il sera condamné à une longue peine de prison. C'est peine de mort là, non? Une longue peine de prison. 22, lui, semble avoir disparu de la circulation. Difficile de dire s'il est resté à Gotham. Alors, est-ce que je peux intervenir? Difficile de dire s'il est resté à Gotham. Ou même difficile de dire s'il a gardé la raison après que le vétérinaire lui annonçait que son chien était mort. William et Jess, sans surprise, vous êtes mort. Non. Sans aucune surprise. J'ai retrouvé Patrick dans un monde meilleur. Clairement. Du côté de Pat, après avoir lui aussi été sauvé grâce à... Trahi. Grâce au soin, a réussi à éviter la prison. Quoi ? Il a dû faire des travaux, quelques travaux, mais... Il est libre. Il a pu revoir sa famille grâce à son contact Larry Stobar qui était à l'origine de votre fin tragique. Enculé de traître. Et c'est ainsi que se termine votre aventure à Gotham.